L'idée de ce micro ouvert, c'est d'entendre la parole des gens qui manifestent, qui sont pas contents dans la rue, à des festivals, à des événements contre ce système néolibéral, on va l'appeler comme ça. Donc, il n'y a pas forcément, comment dire ça, ce sont vraiment des paroles prises de gens à différents endroits. Hein, c'est pas une même et grosse manifestation. Ceci dit, ça pourrait l'être. Hein, ça pourrait l'être, oui, vraiment. Micro ouvert. La gare fait mon bonheur. Et la commune en a décidé autrement. Pas de mal de cité dans les rues de Namur. Mais la commune en a décidé autrement. Pas de mal de cité dans les rues de Namur. Je suis un vagabond. Un marchand de bonheur, je chante pour les cœurs abandonnés. Ma maison c'est du carton, je dors où je peux. Mais quand il pleut, la gare fait mon bonheur. Tout à fait. Alors, ça va? Vous allez bien? Vous inquiétez pas, je suis un média gentil. Ah ouais. Il n'y a pas de caméra, hein. Il n'y a pas de caméra cachée. Il n'y a pas de caméra cachée, non? Il n'y a pas de caméra cachée, c'est juste un micro. On ne vous voit pas, on ne sait pas qui vous êtes. Moi, ce qui m'intéresse... On est neutre, ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre ce que vous avez à dire. Point. On s'en fout qui vous êtes. Ah, j'ai pas fini de rire. J'ai pas fini de dire que je voudrais parler. Être contesté, j'ai pas fini de lire. Y'a plus de révolution dans ce foutu pays. Tout le monde s'en fout. J'ai pas fini de dire que je voulais parler sans être contesté. J'ai pas fini de dire. Mais je constate une chose, le gouvernement actuel vaut rien du tout. Et pourquoi ça, il vaut rien du tout? Parce que je trouve que j'appauvris un petit peu plus le peuple. J'ai pas compris. Ils appauvrissent un peu plus le peuple. Ok, ils appauvrissent plus le peuple. Oui. Et comment vous savez ça? Comment vous voyez ça? Peut-être vous vivez. Bah, vous ouais, vivez, voilà, vous vivez ça. Voilà, exactement. Exactement. Et comment concrètement, donner des exemples concrets? C'est ça, Ben, je trouve en matière ce qui se passe avec Maggie, de Bloc. Ce qu'il a fait pour la mutuelle, je trouve ça un peu dégueu. Un peu dégueu? Oui. Ouais, c'est vrai. Donc j'écoute beaucoup les infos, c'est ça qui me permet de faire des actions. C'est bien ça. Et vous croyez que ça va changer les choses de faire des actions? J'espère bien. C'est mieux que de ne pas en faire, non? Voilà, c'est ça. Je trouve important que ce temps, ce grand temps que ça change. Surtout que les personnes en mode situation de handicap. Il me semble utile. Parce que moi, je suis dans le domaine, donc voilà quoi. Vous êtes dans le domaine? Oui. Je sais pas comment vous dites ça. Je suis dans le domaine handicapé. Oui, voilà, donc aussi tu as un handicap. En mouvement, on dit déficience intellectuelle. Difficile de? Déficience intellectuelle. Ok, ok. Donc on essaie de faire comprendre dans les qualités des chances, dans. Allez, je suis trop court, Marco. On va c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est ça que vous parlez? Oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Moi, tu as fait des actions avec le mouvement. Hein. Et je ne veux pas arrêter là. C'est bien ça. Pour faire comprendre au monde politique, il faut fausse route, quoi. Il faut fausse route. Fausse route. Il faut fausse route. Ouais. En fait, la question de départ, c'était qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter? Vous parlez de. Vous partez en Afrique, on parle de tous ces enjeux géoéconomiques, politiques, hein, évidemment. Terminerez par quoi? Comment s'en sortir de ça? Comment vous voyez le futur par rapport à tout ça, en gros, hein? Le futur, pour moi, est quelque chose. Est-ce que ça va s'en sortir? C'est quoi la vision, la perspective? Parce qu'on sait bien que c'est la merde, je pense qu'on l'a compris. Moi, je pense que je suis optimiste de nature et je suis convaincu que, et en tournant dans le monde, hein, puisque j'ai bouclé les 5 continents en visitant presque quasi tout, donc il n'y a pas de problème, mais je suis convaincu que l'avenir est meilleur, 1000 fois meilleur que maintenant, parce que quand on fait une mauvaise action, celui qui est derrière, il voit. Quand quelqu'un tombe dans un trou, celui qui arrive derrière, il saute ce trou. Et nos jeunes, c'est ce qu'on appelle jeunes générations, ils ont une chance, une double chance. Un, d'avoir vécu avec les parents la crise actuelle, et de deux, de disposer d'un instrument très très performant qu'est l'Internet. Et donc, à l'instant T, tout le monde sait ce qui se passe partout et les gens sont informés de partout. Ce qui fait que, véritablement, cette jeunesse-là, elle avance dans un avenir très très très positif. Et je crois fermement que la réussite, ce n'est pas maintenant, c'est demain. Et demain sera meilleur, et meilleur vraiment, ce n'est pas dans un adage. Mais parce que je le vis et je l'ai vécu. Et quand je voyage 1 an, 2 ans après dans le même pays, je vois des changements, des transformations, parce que les jeunes portent ça. C'est dommage que la traversée de l'Occident vers l'Afrique n'a pas connu de dommages comme ça lors des guerres, Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais maintenant, la crise de la Libye a entraîné maintenant beaucoup de morts dans la mer des Africains qui veulent faire le voyage en sens inverse et avec les mêmes objectifs. En sens inverse, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils quittent l'Afrique pour venir en Europe, pensant que l'Europe est à sécurité là-bas, puisqu'il y a la guerre, on nous tue. On fuit, ce n'est pas seulement l'économie, on fuit aussi la guerre, on fuit aussi le désastre naturel, donc le dessèchement, le climat, et donc véritablement des enjeux globaux font que les jeunes, puisqu'ils espèrent quand même construire leur vie, sont obligés de quitter. La délocalisation humaine, que j'appelle ici l'immigration, pour moi, c'est un phénomène naturel et les jeunes ne peuvent que rêver et espérer le meilleur de leur vie. Et c'est pour ça que, puisque la presse en Occident nettoie dehors mais pas devant sa maison, ne parle pas de misère qu'il y a ici, donc ici tout le monde est bien, tout le monde est riche, tout le monde est bien, et bien ceux là-bas disent, bon, mais puisque tout le monde est bien, tout le monde est riche, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas aller là-bas? Voilà la raison fondamentale pour laquelle les jeunes crèvent dans la mer. Et puis, ou bien s'ils restent, c'est la guerre, ou bien s'ils restent, c'est la mort. Mais puisqu'ils veulent encore vivre, créer leur vie, avoir un projet de société, ils doivent quand même bouger. Et l'immigration, malheureusement, arrivée ici, les gens le comprennent très mal parce que ceux qui en profitent, c'est bien les États qui en profitent, dans la mesure où chaque immigré qui traverse une frontière et qui est inscrit, qu'il soit reconnu ou pas, des moments où il est inscrit, les Nations Unies, on rentre le bilan, un projet aux Nations Unies, ça coûte 50 000 euros par tête d'individu, enfant ou tout confondu. Ça, c'est les rapports réels. Ça, mais ça, aucune presse ne le dit. Ah ben non, parce non, que la presse croit pas, que la presse ment, fait en sorte que les gens pensent que l'immigré, en venant, il arrache le travail, il prend de l'argent. Or, l'immigré, quand il rentre dans le pays, il enrichit le pays. Il enrichit énormément le pays. Chaque immigré, enfant ou vieille personne, toute personne qui rentre, c'est 50 000 euros par mois jusqu'à... Mais vous 50 000 imaginez, euros par mois ? Par mois que les Nations Unies financent. Ça, c'est les données des Nations Unies. Ok, mais puisque le commun des mortels n'est pas au courant, puisque les médias ne le disent pas, comment vous êtes au courant ? Mais parce que je travaille là-dedans. Parce que je suis intellectuel, parce que je suis chercheur, parce que je recherche les choses, les vérités. Et je rentre là où il ne faut pas. Je rentre et je cherche. Et comment vous faites pour rentrer là où il ne faut pas si à la base on n'a pas l'information ? Moi j'ai l'information. De par ma formation, je parle 14 langues, ce qui me permet d'accéder partout. 14 langues. Je vais en Russie, je parle avec les Russes dans leur langue. Et on me permet, mais quand vous parlez la langue de quelqu'un, vous êtes le bienvenu hein, chez lui. Eh bien, je vais au Japon, je commence à causer avec un Japonais, je dis, oh, un Africain, noir de peau, il parle notre langue correctement, les deux, donc le katagana et le ragana, les deux, je les parle. Alors pour eux... Comment ça se fait que vous avez la possibilité de parler 14 langues ? Ah, à quelque chose, malheur est bon. S'arrêter, mais c'est ça, c'est tellement, vous êtes là un peu un extraterrestre, quoi. Non, je ne suis pas extraterrestre. Excusez-moi, il n'y a pas grand monde qui parle 14 langues, quand même. Oui, il y en a. Il y en a quand même. Je sais qu'il y en a, mais c'est parce pas que... courant. Allez, arrêtez, quoi, vous voyez très bien. Sinon, vous m'auriez pas dit je parle 14 langues. Vous savez bien que c'est pas non plus quelque chose de courant. C'est courant. Des intellectuels, parce que... Bah, ici... mais non. Alors, vous êtes déconnecté du monde. Je suis déconnecté, certainement. Je suis déconnecté, peut-être. Là, je reconnais. Mais et comment ça se fait que vous parlez 14 langues? Je considère que l'outil de communication et de relations humaines entre hommes, et je crois en l'humanité, je crois à l'homme, c'est le langage. Quand vous arrivez dans un endroit et que vous parlez la langue de l'endroit où vous êtes accueilli, pas en étranger, mais en frère, en membre de famille, à la composante sociale. Et alors, pour moi, je suis en Belgique, il y a quoi? Il y a l'allemand, il y a le français, il y a le néerlandais, je dois les parler. Si je les parle, ben je vais chez les Allemands, je leur parle en allemand, ils sont très contents. Je vais chez les néerlandais, les néerlandophones, je leur parle en néerlandais, ils sont très contents. Mais comment ça se fait que vous savez parler 14 langues? Ah ça, peut-être que Dieu a voulu que je sois comme ça, je ne sais pas, mais je les ai appris et je les ai couramment parlé. En Russie aussi alors? Parfaitement. Chinois aussi? Le japonais, le chinois, j'étais en Chine, c'est l'année passée moi que j'étais en Chine. Ce matin, donc, je croyais que vous alliez dire. Non, le chinois n'est pas dans mon vocabulaire. Je le comprends, mais je ne sais pas. Quand je dis 14 langues, c'est dont je certifié. Donc c'est certifié, j'écris et je les lis et je parle. Mais une petite bête là, bon, on conclut par quoi alors? On conclut par quoi? Allez, une belle phrase philosophique ou une mauvaise, comme vous voulez, mais on termine. Merci, je crois en l'homme. Et j'espère qu'un jour, l'amour triomphera et que l'humanité sera plus calme et plus douce en s'aimant les uns les autres. À Charleroi, tu vas à la rive gauche. Tu vois tous ces bourgeois qui ont écrasé toutes les petites gens. Les petites gens, les petites gens, comme nous, comme nous. Et maintenant, il y a c'est comme à la gare de Liège. C'est comme à la gare de Liège. On a aussi exploité la petite maison qui était autour. Et voilà que tous les bourgeois sont là. Youpi! Youpi! Lise Michelson, c'est comme ça, j'ai bien prononcé? Oui, très bien. Qui faisait un débat, enfin c'est pas vraiment un débat, tu vas le raconter, hein, sur les droits syndicaux et démocratiques menacés. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Bon, il y avait aussi Tom de Vogt. Oui, c'est ça. Et Gino Hopp. Oui, aussi. Et Yüksel Kalaz. Tout à fait. Tu peux un peu les présenter, puis surtout toi aussi après, pour mettre ce débat en place. Oui, bien sûr. Donc, il y avait dans le débat 4 syndicalistes, en fait, c'est-à-dire Tom de Vogt, qui est militant du ABVV, FCTB. Et qui travaille dans... Version Flandre, alors. Oui, c'est ça, tout à fait. Qui travaille pour une usine chimique dans le... De Havre, je ne sais pas le mot en français, le port d'Anvers. Okay, okay. Où il y avait en 2016, entre autres, une grande action pour bloquer le port. Et lui, ensemble avec le secrétaire d'Anvers du ABVV, ont été cités pour le tribunal correctionnel et Bruno a été condamné. Donc pour ça, il était là pour expliquer leur cas. Pourquoi ils bloquaient le port? Pour manifester contre les mesures asociales qui sont prises par le gouvernement, entre autres qu'on doit travailler jusqu'à 67 ans, le chute d'index, entre autres. Il y a encore d'autres mesures à mentionner, mais bon, donc surtout sur les mesures asociales prises par le gouvernement. Et le bourgmestre Bartewever, à 2 jours avant de l'action, a dit « je vais faire le tout pour que vous n'arrivez pas à bloquer le port ». Le blocage du port, c'est une des mesures qui sont utilisées par les syndicats depuis déjà très longtemps pour pouvoir mettre pression sur les usines, mais aussi sur le gouvernement pour arriver à un peu de mesures plus sociales, disons. Et voilà, c'est la première fois depuis vraiment longtemps qu'il y a des syndicalistes qui, pour ça, sont cités, condamnés par un tribunal. C'est la première fois, c'est ça que tu dis ? C'est ça, tout à fait. Mais la première fois quoi dans la première fois de quoi, par rapport oui, à quoi ? L'article qu'ils ont utilisé, c'est de le blocage de malfaits du trafic. Ça n'a jamais été utilisé contre les syndicats. Ça a une fois été utilisé contre les personnes qui sont dans les foires, qu'ils ont bloqué la rue, et contre eux, ça a été utilisé, mais jamais contre les syndicats, autant que voilà, les syndicats faisaient beaucoup des actions, faisant beaucoup de, allez, assez des actions sur les routes. Ça n'a non plus jamais été utilisé contre d'autres activistes d'environnement, ou parce qu'il y a beaucoup d'actions qui voilà, des manifestations. Oui, qui c'est aussi, ça le rapport de force, quoi. Voilà, c'est ça. C'est quand il y a une grande manifestation, ok, le trafic est bloqué, c'est comme ça. Mais ça n'a jamais été utilisé, cet article, dans notre code pénal, pour utiliser contre un activiste ou un syndicaliste avant. C'est ça, les droits syndicaux et démocratiques menacés, c'est ça en fait que ça veut dire. Oui, entre autres. Donc il y avait dans le débat d'Octobre de Vogt, il y avait autres, Jux Lekalas et Gino Hoppe. Et eux, ils représentent, donc Jux Lekalas, ils travaillent chez Ivago. C'est l'usine qui s'occupe du nettoyage des rues, c'est-à-dire qui vont aller chercher les déchets. Et ils sont déjà eu plusieurs fois des demandes de venir travailler pendant qu'il était en grève. Donc cet été, il faisait très chaud. Et les travailleurs ont dit, voilà, on a vraiment mal à faire notre boulot parce qu'il est vraiment chaud et on ne peut pas. On ne peut plus. On rappelle que c'était la canicule, c'est ça, quoi, cet été. Ça, hein. C'est ça. Ils ont juste demandé à leur direction, est-ce qu'on peut un peu parler parce que il faisait vraiment très chaud et on ne peut pas faire ce que nous devons faire avec la température. La direction a dit, il faut juste travailler un peu plus dur. Et pour eux, c'était vraiment, allez... Ils travaillent dur, ils travaillent tout le temps, ils travaillent quand il y a de la neige, n'importe, ils aiment leur travail, mais bon, à ce moment, ils pouvaient plus. Donc, c'était une réaction, voilà, qui était allez, vraiment aussi pas... Oui, pas raisonnable, quoi. Mais non, pas raisonnable du tout. Ils voulaient juste que leur direction disait, ok, on comprend, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on négocie, quelque chose quoi ? Qu'on peut vous essayer, allez vous aider avec une ou deux mesures. Et donc, il y avait une grève. Et puis, avec deux jours, ils étaient demandés par le gouverneur de venir travailler parce qu'il y avait un problème de santé de la ville. Donc, la ville a dit oui, il y a un grand problème parce que les déchets restent dans les rues. Et il y a des problèmes de santé. Les syndicats ont dit, mais il n'y a pas de problème de santé après deux jours. Il n'y a pas encore il n'y a pas de problème de ça. Et aussi, avec, par exemple, dans les hôpitaux, on y va pour collecter les déchets parce qu'on sait aussi que c'est important et que pour la santé des hôpitaux et tout ça, que ça doit être... Il faut ramasser, donc voilà, ils ramassaient quand même pour ça. Les hôpitaux. Voilà. Donc, selon les syndicats, il n'y avait pas de problème de santé publique. Donc, il y avait un débat sur ça aussi. Et donc, la troisième orateur, c'était donc M. Gino Hoppe, qui est secrétaire général de la COD. C'est le CC... Oh non, en français. CSC? Oui, c'est ça. Non. Des services publics. Donc, le syndicat rouge pour le service public. ACOD. Je vais le... Ok, mais... Ok. Et il travaille dans les prisons. Et là, il y avait aussi le gouvernement a annoncé dans leur accord du gouvernement qu'ils allaient attaquer le droit de grève. Le droit de grève est un droit fondamental qui est énormément important pour les travailleurs et leur manière seule pour se défendre à des mesures sociales du gouvernement, mais aussi à des choses qui se passent dans dans des usines ou dans des places de travail. Le gouvernement a dit on va attaquer le droit de grève, on va faire le service minimum ou garantie chez Delaine, qui est le transport. Tech. Oui, transport, NMBS, le train, et donc les prisons. Et donc, Shina Hope représente les prisons. Il expliquait comment le gouvernement a mis donc un service minimum. Mais voilà, que selon eux, ça n'a pas de sens. Et c'est le syndicat aussi qui s'occupe du bien-être qui trouve le bien-être des prisonniers très important. Et c'est pour ça aussi qu'eux, parfois, ils font une grève parce que les conditions dans les prisons sont vraiment très mal en Belgique. Et voilà, il n'y a pas assez de personnel. Et s'ils font une grève, c'est aussi leur seule manière pour pouvoir pousser le gouvernement à prendre des mesures en faveur de ça. Voilà. Est-ce que je peux résumer un peu ? Donc le débat, les trois personnes que tu as citées, ce sont toutes les trois des syndicalistes. Et en fait, ils se sont mis ensemble pour montrer qu'on est occupé à démolir un peu ce droit de grève, les droits que les gens ont gagnés dans l'histoire, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et toi alors, Lise Mikkelsen, qui es-tu en fait ? Moi, je suis avocate. Je suis spécialisée dans le droit social, donc je fais aussi beaucoup des cas dans le droit des grèves. Je défends les syndicalistes et les syndicats dans des affaires comme ça, mais aussi beaucoup plus large. Je défends les travailleurs aussi dans d'autres domaines de droit. Je travaille chez Progress Lawyers Network, c'est un réseau des avocats. On a deux bureaux, un à Bruxelles et un à Anvers. Et voilà, on fait le droit social, on fait le droit d'immigration ou d'étrangers, et on fait le droit pénal. Nous sommes un bureau d'avocats progressif, c'est-à-dire qu'on choisit sur quel côté on veut être. Donc on défend les réfugiés, on défend les travailleurs, on défend les personnes qui sont pas qui n'ont pas le pouvoir économique, qui n'ont pas le grand argent, disons. Et pourquoi ? Pourquoi tu défends, vous défendez ces idées-là ? Parce qu'on pense que c'est énormément important, qu'il y a beaucoup des avocats qui défendent l'autre côté, et que aussi, c'est eux qui, si tu dois penser à l'histoire et qu'ils ont, sur base de quoi on a pouvoir eu une vacance payée, juste travailler 8 heures par jour et pas 12 heures par jour, si c'est tout du résultat de l'action collective et de lutte, de lutte, de mort. Ça. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça. Mais c'est aussi ça aussi maintenant. Il y a beaucoup de droits démocratiques et syndicaux qui sont en danger. Et les grandes forces qui peuvent contrebalancer ça, c'est le travailleur, le syndicalisme, mais il y a aussi beaucoup d'attaques contre les réfugiés. Parce que dans tout, l'économie dure, la politique économique dure que les gouvernements ici en Belgique, mais aussi dans d'autres pays qui sont en train d'imposer, et aussi une politique de migration très très dure, ça va ensemble avec essayer de réduire les droits démocratiques et syndicalistes pour pouvoir se battre contre ces évolutions. Et pour cela, on trouve ça énormément important qu'on est là avec un bureau très spécialisé pour défendre les syndicalistes, pour défendre les activistes qui sont maintenant dans les tribunaux aussi, pour aider les réfugiés, pour défendre les réfugiés, pour voir que les droits fondamentaux qu'il y a et pour lesquels il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans le passé, que ces droits seront respectés, qui n'est à ce moment tout à fait pas le cas. Et voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc pour cela, on trouve ça important de faire ça. Mais quoi, les droits syndicaux démocratiques sont menacés. Pourquoi, en fait? Comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui se réveille? Tu as une analyse par rapport à ça? Bon, j'ai déjà un peu commencé à expliquer. Donc, selon moi, il y a en Belgique, mais aussi en Europe, il y a une tendance à... Il y a le capitalisme, il y a une politique économique très, très dure pour les travailleurs qui est imposée. Tout le monde a travaillé vraiment dur. Il y a pas une balance entre le travail que les gens font et les revenus qu'ils gagnent. Oui, on est occupé à pomper de plus en plus le travailleur. Voilà, j'ai ça. Entendu aussi dire que le gouvernement Michel, il y avait plus de dialogue avec les syndicats, alors qu'on fait croire que oui, il y a un dialogue, mais non, en fait, ils sont autour de la table et les syndicats disent, mais nous ne sommes vraiment pas d'accord, et le gouvernement dit, voilà, on a fait un dialogue. Voilà. Donc, c'est important à dire ça parce que... Oui, c'est très important parce qu'avant, il y avait toujours en Belgique le overleg syndical, donc le dialogue syndical, le dialogue social avec tous les partenaires, les employeurs, les employés, le gouvernement qui se mettaient ensemble pour un peu voir comment le faire. Bon, c'était pas du tout non plus parfait et tout, mais bon, il y avait quand même ce dialogue et à ce moment, il n'y a plus ça. Le gouvernement est vraiment, ils décident eux-mêmes et ils ne défendent pas l'intérêt des gens normaux, ils font toute une bataille contre les personnes malades, toute une bataille contre les personnes qui sont en chômage. Ils attaquent les gens les plus faibles et les plus grandes usines. Et les gens qui travaillent aussi, en fait. Tout l'ensemble des gens normaux, le 90% ou le 99% même. Et voilà, pour pouvoir faire ça, ils savent aussi qu'il y a un contre-mouvement qui peut leur nuire et qui peut nuire à la système économique, et donc ils essayent pour attaquer ça. Et comment ils le font? Ils attaquent par attaquer les droits démocratiques, c'est-à-dire que par exemple le NVA, la partie du bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, ils disent dans leur accord de gouvernement avec les autres partis qui sont dans le gouvernement, ok, on va attaquer le droit de grève. Comment ils le font? Ils installent le service minimal dans les prisons et dans le transport, donc dans le milieu de transport, aussi parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui utilisent ce train et qui peut-être vont aussi dire, ok, mais moi je trouve ça bien qu'il y ait un service minimum. Mais ensemble avec ça, ils attaquent le droit de grève qui en Belgique n'est pas réglé dans une loi, qui vient directement des conventions internationales, qui est la plus fondamentale qu'on a. Donc c'est une manière d'attaquer. L'autre manière d'attaquer, c'est d'intervenir politiquement dans les dossiers juridiques, c'est-à-dire par exemple avec le cas de Tom de Vogt dans le port d'Anvers. C'est le bourgmestre qui a dit « on ne va pas vous laisser bloquer le port ». Mais il n'a rien à dire, c'est un bourgmestre, il y a la division entre les pouvoirs en Belgique. Et donc tu vois ça, qu'ils interviennent dans des dossiers comme ça. Ça a aussi passé avec les activistes qu'ils ont déplacé les patates qu'ils ont été manipulées génétiquement par des patates biologiques. Là aussi, c'était Chris Peeters, à ce moment le ministre du côté flamand, qui a dit on doit directement les citer pour bande criminelle. C'est aussi, c'est non plus son pouvoir à dire, mais bon, il a dit, et ils ont été cités pour le tribunal correctionnel pour bande criminelle. Heureusement, la cour d'appel a dit c'est pas une bande criminelle, on va pas leur condamner pour ça. Mais voilà, donc c'est aussi politiquement qu'ils interviennent, et idéologiquement il y a une très grande Oui, il y a aussi un très grand attaque contre les syndicats et contre les grèves. Les syndicats, c'est plus du temps, c'est du passé. Ils utilisent des anciennes mesures. Et voilà, c'est idéologiquement, il y a tout un débat, tout un attaque qui est mis par les pouvoirs à droite pour aussi attaquer le droit de grève, mais aussi d'autres droits démocratiques, parce que si tu vois en Belgique, il y a notre bourgmestre à Anvers, mais aussi par exemple Théo Franken, qui met en question les juges quand ils, par exemple dans le dossier de la famille syrienne, quand ils disent que voilà, le gouvernement belge doit donner un visa par exemple, que directement ils vont attaquer les juges, ils vont attaquer la convention de Genève, donc les droits fondamentaux. Mais comment c'est possible ça, tu vois, comment c'est possible qu'ils attaquent un jugement alors qu'en fait ils n'ont rien à dire? Comment c'est possible ça? Mais ils peuvent le faire, ils le font, c'est juste... Mais c'est avant, c'était pas possible, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas un ministre qui osait faire ça. C'est maintenant que, tu vois, tout dans la société, le débat passe par le droit. Ça a beaucoup à faire avec toute la politique économique qui est menée et qui doit être protégée. Et la politique économique, quoi. La politique, c'est pas la politique qui a le pouvoir, c'est l'économie qui a le pouvoir. Et donc, pour pouvoir garder, il utilise les moyens qu'ils peuvent. Et donc, l'NVA sert cette classe économique ou cette élite établissement. Plus grand, pas les travailleurs, mais il défend vraiment le grand argent, et donc ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Et comment ils peuvent, c'est une grande question aussi pour moi. Tu vois ça dans toute l'Europe, c'est pas le NVA seul, il y a Trump, tu as Wilders à Hollande, tu as la Lega Norte en Italie, ce sont des forces vraiment à la droite profonde, mais c'est aussi que... C'est surtout l'ultralibéralisme, quoi. On y va à fond. Et... Mais il y a aussi, bien sûr, je pense, dans tous ces pays, tu vois que la démocratie, la social-démocratie, qu'il y avait assez de gouvernements avec les socialistes démocratiques dedans, mais qui n'ont pas vraiment... écouter aux travailleurs qui n'ont pas fait assez pour garantir leurs droits, et que maintenant tu es dans une situation où les gens et les travailleurs ne leur croient plus. Il y a toute une politique de migration, par exemple ici chez nous en Belgique, chez le SPA par exemple, qui leur idée sur la politique d'immigration, c'est vraiment incroyable. Tu peux pas croire ça, parce que ils sont vraiment, ils attaquent les réfugiés presque. C'est presque à dire, ok, on doit être dur, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ils vont tous ensemble avec les partis de droit qui disent « Mais non, on n'a pas de place pour les réfugiés, on ne peut pas les accueillir, on doit avoir une politique forte de migration. » Et si tu mets tout ça ensemble, les gens croient plus dans toutes ces idées. De quels gens tu parles? Et quand tu dis « croient plus », ça veut dire « croient plus », »,« croient plus » Crois plus du tout ou non, crois moins? Non, moins, donc crois plus du tout dans les partis qui, par exemple, c'est des groupes qui a commencé à augmenter l'âge de pension. Et à un certain moment, voilà, les travailleurs vont ou cherchent d'autres solutions. Et c'est les partis de droit qui disent aussi, mais nous sommes une alternative, On est anti-establishment autant qu'ils ne sont pas, qu'ils défendent les droits. Allez, l'establishment ne sait pas ce qu'ils disent, bien sûr. Et donc, c'est important aussi de prendre ça en main, de vraiment dire le droit, c'est vraiment pas de la solution. Hein. Ça va être beaucoup plus loin de la solution pour tout le monde que vous êtes plus proche et d'essayer de leur convaincre qu'on a vraiment d'avoir une solution avec la solidarité entre tout le monde, avec une collectivité, et de voir okay, comment est-ce qu'on peut de nouveau essayer d'avoir plus d'égalité et de division entre les moyens qu'ils ont, mais qu'ils ne sont pas partagés bien à ce moment. Je suis un peu moins vers la fin, mais et tiens, toi qui es dans le, si j'ai bien compris, t'es avocate, mais t'es aussi vachement impliquée dans le syndicalisme, du coup. Ben, on travaille beaucoup avec les syndicalistes et avec les syndicats. Donc, dans sa manière, oui. Parce qu'il y avait une perte de vitesse avec le. Comment tu vois le syndicalisme aujourd'hui? Tu sais, genre la jeunesse ne suit pas, le syndicat c'est ringard, tu vois, c'est tous des vieux, on comprend. Enfin, tu vois, est-ce que tu peux un peu. Mais par exemple, ici, il y a un débat sur les jeunes et les syndicats. Ici, au festival, manifestation. Et moi, je connais beaucoup, beaucoup de syndicalistes qui sont vraiment jeunes et il y a. C'est vraiment un débat idéologique contre les syndicats qui est important à un peu retenir, à un peu avoir en main ou dans votre tête, je veux dire. C'est un débat idéologique contre les syndicats, ce qu'il a fait aussi Thatcher dans les années 70 dans l'Angleterre. Et donc, Oui, ça c'est sûr, c'est qu'il y a une volonté de casser le syndicalisme, c'est Reims. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans les syndicats? Il y a aussi, je sais qu'il y a un groupe quand même fort qui est présent, mais il y a de moins en moins de gens qui se syndiquent. Enfin, tu vois, j'aimerais bien que tu me donnes ton point de vue. Oui, mais c'est pas non plus de. Allez, moi je suis avocate et je défends. Les travailleurs en général et les syndicats, il n'y a pas quelque chose comme le syndicat. Hein. Il y a beaucoup de centrales, il y a beaucoup de différents de personnes dedans, il y a beaucoup de personnes qui pensent aussi différemment dans les syndicats même. Donc, c'est difficile à généraliser une idée sur le syndicat. En ce moment, c'est comme ça. Et les jeunes sont plus intéressés, ils syndiquent plus. C'est pas comme ça que. Allez, selon moi, si tu dois faire. Moi, j'ai pas fait une analyse profonde sur tout ça, donc je peux pas donner des idées très spécifiques. Mais moi, ce que moi je vois, c'est dans beaucoup de secteurs, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont syndicalisées, c'est-à-dire que, voilà, qu'ils ont là, et que dans d'autres secteurs, ils ont des difficultés à vraiment. Avoir les jeunes dedans et d'expliquer aux jeunes bien, ok, on a eu l'histoire, comment est-ce que tu peux aller en vacances payer et comment est-ce que tout ça. C'est aussi pas quelque chose que dans l'éducation, par exemple, c'est bien expliqué. Si tu, dans toute ton histoire d'école, tu dois un peu penser à quel moment est-ce qu'on vraiment explique comment c'est. On l'explique pas. Voilà, les balances dans la société, qu'est-ce qu'il y a. Nous utiliser. Donc, c'est aussi, je pense, un grand travail pour les syndicats, mais aussi, pas seulement pour les syndicaux, hein, c'est pour tout le monde, pour pouvoir vraiment toujours retourner. Oui, rappeler ce souvenir. Rappeler, et pas que tu dois toujours être dans l'histoire, parce que aussi, tu peux aller facilement aussi lié à ce moment, c'est-à-dire qu'on doit 2018. Travailler jusqu'à 67 ans, c'était pas dans l'accord du gouvernement. C'est un choix politique que tu dis, ok, tu dois travailler jusqu'à 67 ans parce qu'on ne peut pas payer la pension, ok, mais il y a beaucoup d'argent, hein? On est dans un des pays les plus riches du monde, donc c'est aussi un choix. Donc la conscience pour les générations qui suivent, mais aussi les syndicats, les anciens, les vieux qui sont là, toi tu vois ça d'un... je le répète, hein, comme ça on se comprend bien, parce que des fois on comprend pas. Tu vois ça d'un bon œil, est-ce que tu vois ça positif? Est-ce qu'il y a quand même une relève qui est là? Oui, tout à fait. Tu dois voir ici. Mais oui, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Voilà, il y a beaucoup de personnes jeunes ici. Il y a beaucoup des jeunes de tous les. De, voilà. Il y a des jeunes, il y a des vieilles, il y a des. Il y a des gens de toutes. Tout horizon. Voilà, c'est ça. Donc, et je vois dans notre bureau, par exemple, on travaille avec 30 avocats, nous sommes tous des jeunes, c'est-à-dire presque. Les plus vieux sont 40, un peu plus de 40 ans, mais c'est pas. Donc, et on travaille beaucoup avec des personnes jeunes. Donc, aussi dans les syndicats, je vois que. Voilà, il y a beaucoup de résistance et ça c'est bien, si ça on fait se plaisir. Met ensemble et s'il y a la collectivité, on peut changer le monde, hein, ça c'est clair. Allez, je te pose encore une petite question, après on pourrait stopper. Mais le syndicat, évidemment, c'est la preuve dans l'histoire que des gens se sont battus, qu'on a voulu, c'est pas simplement qu'ils sont battus, c'est qu'ils ont rêvé d'un autre monde possible. Hein. Je fais le parallèle avec, tu sais, l'esclavage. Avant, on disait, mais non, c'est impossible de vivre sans qu'il y ait de l'esclavage. Bon, tu vois, dans toute son époque, comme ça, ça a évolué. On a rêvé à un monde plus juste, plus égalitaire. Et ben, on a obtenu à force de se bagarrer. Mais donc ça, c'est les restes d'un syndicalisme qui est là. On peut dire aujourd'hui que le syndicalisme, il est un peu endormi, qu'on pourrait réveiller un peu plus les foules, le secouer. Il y a tous des enjeux que moi, je connais pas, évidemment, mais un peu des enjeux aussi où on est copain avec le patron. Enfin, tu vois, je trouve qu'on devrait un petit peu se libérer de tout ça et il est plus que temps d'aller dans la rue, quoi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, il y a un travail, à faire toujours. Hein, ça va jamais être une situation où c'est tout parfait. Ou pour les syndicats aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, mais ils deviennent compliqués un peu les vieux syndicats, ceux qui ont de la bouteille. Oui, c'est comme si ils s'étaient fait un peu acheter. Oui, mais c'est comme j'ai dit, hein, c'est difficile à dire pour le généraliser pour les syndicats en général. Ça ne marche pas comme ça. La grève générale. Oui, mais par exemple, en 2015, il y avait des grèves quasi partout. Il y avait des grandes manifestations. Donc, ce n'est pas que ça n'y est pas. Et dans beaucoup de secteurs, il y a beaucoup d'actions. Mais bon, c'est pas. Je ne dis pas que c'est facile et que c'est parfait, pas du tout. Hein, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Non, mais tu comprends mon idée. C'est pas que je. Ce serait tellement simple, moi je sais que c'est naïf, mais de dire pendant une semaine c'est grève générale, ça bouge plus, comme il y a déjà eu dans l'histoire. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui c'est compliqué, faire une grève générale un jour c'est déjà très compliqué quoi. Oui, mais voilà, moi j'ai pas la solution je pense, mais il faut avoir vraiment un grand mouvement qui peut supporter ça ou qui peut dire ok, on prend on va à l'avant, c'est-à-dire voilà, on l'organise et on le fait, parce que c'est pas que voilà, donc oui, mais c'est possible, c'est pas en plus avec les moyens technologiques aujourd'hui, voilà. Tu vois, c'est moi j'ai l'impression quand j'écoute les syndicats côté francophone, évidemment, hein, bon, ça discute beaucoup, mais c'est pas ça, je les aime bien, hein, c'est pas ça, mais ils sont. Mais c'est aussi. Il faut construire les rapports de force, c'est ça. Hein, c'est pas que tu, à un moment, peux dire ok, maintenant c'est vraiment le temps, on le fait. Ça marche pas comme ça. Hein, tu dois vraiment renforcer la force et être. Oui, mais c'est surtout qu'il faut que ceux qui mettent les choses en place soient partants pour faire, par exemple, faire une grève générale. Regarde, c'est au mois de mai-juin en France, à Paris, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Hein. On croyait, ça y est, avec la SNCF, tu vois, qu'ils ont fait grève, ils ont tenu bon, et puis voilà, c'est de nouveau. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Oui, c'est pas facile de faire. De changer. Oui, mais j'aimerais bien qu'on force. J'aimerais bien comprendre pourquoi on ne se met pas tous d'accord. Tu vois, les... On n'est pas tout d'accord. Hein. Il y a un très grand force qui n'est pas du tout d'accord et qui veut consacrer le système économique qu'on a et qui est mis dans toutes les têtes de toutes les personnes. Hein. L'individualisme, la société comme on le connaît, c'est pas du tout facile de... Mais comme tu dis, il y a beaucoup, mais aussi par exemple en Espagne, la résistance en Espagne c'est énorme. Hein. Il y a des grèves énormes, des manifestations énormes, beaucoup de personnes et de femmes qui se réunissent pour battre. Voilà, et comme ça, c'est comme ça qu'on va le faire, hein, mais ça doit être pas par pas. Hein. Qu'est-ce que tu auras envie de dire encore pour terminer tout ça, Lise Mikkelsen? Peut-être, comme elle dit aussi dans le débat, que, voilà, il y a une attaque contre les droits syndicaux et démocratiques qui sont importants à être battus, parce que sinon, voilà, si on n'a pas le syndicat, qui est la plus grande force qu'il y a, ça va être vraiment difficile de pouvoir avoir un travail digne pour tout le monde, qui est bien payé, qui a juste un travail bien. Mais ça va aussi être très dur pour pouvoir garantir les droits fondamentaux des autres personnes, comme des réfugiés ou des personnes qui ne travaillent pas. Et voilà, qu'ensemble, on peut faire beaucoup, mais c'est un travail de longue durée. Voilà. Ouais, donc se mettre ensemble, quoi. Voilà, se mettre tous ça, ensemble sur une cause tous commune, ensemble, en fait. Vraiment fort. Et on peut, voilà, on peut réaliser beaucoup de choses. Voilà. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Allez, le bois du casier. À Chicago, ça fait qu'on est comme des rois, nous on est bien, on se tient et au chaud. De faire un tour dans notre ville, vous y verrez des gens heureux. Mais pour nous, l'heure est facile, les carolos sont généreux. Venez, venez à Charleroi. De faire un tour dans notre ville, vous y verrez les beffrois et les mines oubliées et les usines désaffectées. Tout ça chez nous, c'est vu comme ça. Et maintenant, il n'y a plus que des bourgeois. Vive la rive gauche. D'ailleurs, il paraît qu'il va déjà vendre. Il a déjà pris tout l'argent. Oui. Et moi, je l'ai vu, le mec. Je l'ai vu, les gars. Il avait une petite choupette sous stias. Bonjour, c'était Louis. Je l'ai vu. Je l'ai photographié. Je me souviens des 1000 colonnes. Et des bâtiments. Et maintenant, on a quoi? On a un parking. C'est le gris. Les colonnades. Genre, c'est classé UNESCO. Et qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Oui, bah maintenant on improvise sur les 1000 colonnes, qu'on voit si t'es bonne. Je suis arrivé de Liège, de ma petite campagne de Liège. Je suis arrivé, j'ai vu les 1000 colonnes, on m'a dit, ces gens-là, c'est des... Trop de chapeau. Patron. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Chaud, hein, pour un mois d'octobre, il paraît. Très chaud. Ça va, vous êtes carrément en petit sans manche. Hein. J'ai encore trop chaud. Oui, moi aussi. Mais moi, regarde, je suis carrément avec ma veste et tout. Franchement, je sais pas comment vous faites. Et qu'est-ce vous avez que tu beaucoup de courage. Qu'est-ce que tu tiens au bout de... C'est quoi qui est noté? Plus tu es pauvre, moins tu sais payer, plus tu t'enfonces. Louise, 20 ans. Oui. C'est toi? Non, ce n'est pas moi. C'est pas toi, Louise. C'est une phrase qui est ressortie d'une enquête des JOC sur la précarité chez les jeunes. Et voilà, dans une enquête, elle a accepté de répondre et c'est une phrase qu'elle a donnée et on l'a reprise. Et ça te parle comment, ça, cette phrase? Bah, c'est la réalité de notre monde. Plus tu es pauvre, moins tu sais payer, plus tu t'enfonces, bah, c'est clair. Oui, exactement, parce que moins on a d'argent et moins on s'en sort. Oui, c'est sûr. Et puis surtout, on est dans un monde d'argent, toujours d'argent. Enfin, il n'y a plus que ça, quoi. Le capitalisme. Et il faut se battre contre ça. Et comment on se bat contre ça? En manifestant, premièrement. Ouais. Ouais. C'est déjà une première possibilité. Oui. il faut que le peuple se rebelle un petit peu contre cet État qui nous marche dessus, clairement. Et toi, t'es toute jeune aussi, hein? Oui, j'ai 20 ans. Ouais, oui, ça pourrait être ta phrase, quoi. Oui. Ça. Sauf que moi, je m'appelle Bénédicte, pas Louise. Mais tu crois pas, ça, hein? Je sais que t'es toute jeune, mais que maintenant, il faut vraiment plus manifester, mais carrément désobéir, carrément... Oui, solidarité, travailleurs, étudiants, solidarité, travailleurs, étudiants, solidarité, travailleurs, étudiants, solidarité, travailleurs, sans emploi, solidarité, travailleurs, sans emploi, solidarité, travailleurs, sans emploi, solidarité, étudiants, sans emploi, solidarité. Étudiants sans emploi, solidarité. Étudiants sans emploi, solidarité. Étudiants sans emploi, solidarité. Travailleurs, étudiants, solidarité. Travailleurs, étudiants, solidarité. Sans, solidarité. Avec les sans-papiers du monde entier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? C'est un média gentil, hein, vous inquiétez pas. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous faites, vous? Je colle des autocollants. Qui est noté? Précaire de toutes les galaxies, unissez-vous. C'est la nouvelle campagne de la JOC qui s'appelle Le Temps Presse. Et letemppresse.be, il ne faut pas hésiter à y aller et à y contribuer. Il y a plein de... Ça analyse plusieurs thématiques, plusieurs domaines, sur la précarité... Au travail, la précarité dans les études, la précarité dans les loisirs. Et on a essayé aussi de trouver tous des mécanismes d'entraide, comme par exemple le prix libre, pour permettre d'atténuer cette précarité, ou plutôt pour lutter contre cette précarité. Notamment aussi l'occupation illégale de bâtiments pour trouver un logement, l'occupation illégale de terrain pour faire des potagers collectifs, ou pour lutter contre... contre un autre projet inutile et l'utiliser pour des besoins sociaux utiles. Et voilà, il y a des témoignages aussi, il y a des analyses de critiques sociales, des analyses de différentes mesures prises à différents nouveaux pouvoirs, que ce soit gouvernement, enfin fédéral plutôt, communal ou simplement régional. Enfin, on décortique ce que les politiciens nous concoctent pour démontrer comment en fait ça ne sert qu'une certaine classe sociale, et on va toujours dans la même direction, c'est celle du néolibéralisme. Et il est temps de... Enfin, il est temps. Ben, il quoi. Faut lutter, quoi. Il faut lutter, sinon on n'aura rien. Cette démocratie n'existe pas si on ne se bat pas pour, et d'ailleurs elle est en train de disparaître. Du coup, autant se battre pour directement passer à l'étape suivante, à beaucoup plus de démocratie. Mais comment on fait pour passer à l'étape suivante? Eh ben, il faut déborder, hein. Il faut être incontrôlable. Ah, et comment on fait ça? En étant autonome des institutions. Et comment on fait ça? Ben, on essaye de tendre vers l'autonomie financière, on essaye de s'organiser de façon horizontale, on essaye d'être incontrôlable et irrécupérable par n'importe quelle institution qui ont chacune leur intérêt propre, quoi. On dit que les syndicats ne négocient pas pour ne pas qu'il y ait de classe sociale, ils négocient pour la longueur de la chaîne, quoi, on va dire. Les syndicats... Bon, après, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? La longueur de la chaîne? Je veux dire que la paix sociale, elle n'est pas favorable aux travailleurs. Elle est favorable juste au patronat. Voilà, voilà. Ça favorise juste l'exploitation, l'aliénation, le fait qu'on n'ait aucune prise sur nos vies. Oui, on se demande en fait comment ça se fait qu'il n'y a pas... avec tout ce qui se passe aujourd'hui, comment ça se fait que les syndicats ne bloquent pas le pays? C'est parti dans la rue, quoi. Ils font partie des organes de pacification sociale, on va dire. C'est pour ça que l'autonomie, c'est nécessaire, l'autonomie politique de toute institution. L'autonomie ouvrière, on va dire, c'est un peu ce qui est ressorti depuis mai 68, etc. Enfin, après mai 68, avant que le gouvernement de gauche en France ne récupère tout. Voilà. Et il faut refaire la même chose aujourd'hui, parce que le néolibéralisme, c'est un rouleau compresseur, quoi. C'est, tant qu'il y aura une classe dominante, elle va toujours essayer de grappiller non-stop. Et au final, on ne sait pas jusqu'où ils vont s'arrêter, vu que la richesse, ça va, d'un compte en banque, ça peut être illimité. Oui, mais c'est sûr, mais à un moment donné, tu ne crois pas qu'il faut aussi désobéir? Ah si, évidemment, il faut. Non, mais je vous dirais que quand je dis une fois, ça veut dire que les politiques, ils n'écoutent pas. Il n'y a même plus de concertation sociale, il paraît. Mais c'est pour ça qu'il faut les déborder sur leur gauche. Et finalement, c'est ce qui est en train d'arriver avec l'augmentation, avec la croissance du PTB ou des colos. Oui, avec le vote récemment ici, là. Voilà, c'est ça. Mais après, pour moi, c'est pas la solution. En tout cas, c'est pas du tout suffisant parce qu'on pourrait très bien se retrouver dans le même schéma politique, mais où ce serait PTB et écolo qui seraient au pouvoir et qui trahiraient les travailleurs. Évidemment, enfin, évidemment. Du coup, oui, parce que voilà, il y a le marché qui décide. C'est les grands marchés financiers qui décident si un État est financé ou non, s'il est en faillite ou non. Du coup, enfin voilà. Finalement, leur pouvoir politique est très réduit, c'est pour ça qu'il faut déborder. Quoi. Oui, mais déborder comme ça, moi je trouve ça efficace, juste... hein, une grève. Non, mais une grève, tu sais comme on a pu en voir en mai 68, à Paris par exemple. Tu vois, ça a été une vraie grève de plusieurs jours où tout le monde était dans la rue. Là, justement, il y a eu une union dans la classe... prolétarienne, on va dire, il y avait ou même la petite bourgeoisie qui rejoignait le prolétariat ou enfin mais 68 là tu parles. Oui, ouais. Oui, voilà. Et il faut une sorte de retour à ça, c'est une évidence quoi. Mais toi t'es tout jeune aussi, je vois. Ça va. Tu t'es formé où, pourquoi, comment ça se fait que tu t'intéresses à ça? Je me suis formé par moi-même, j'ai cherché, j'étais curieux. T'es tombé dans le joc alors, jeunesse organisée. Au début, ça a commencé avec Bernard Werber, qui dans un de ses romans, il parle de Proudhon. Et j'ai été voir plus loin par là. Donc Proudhon qui est un peu à l'origine de l'anarchisme alors. Oui, même s'il est misogyne, antisémite, enfin il y a beaucoup à redire sur lui. c'est un vieux, hein, c'était il y a longtemps. Hein. Enfin, bref, et voilà, je me suis intéressé à ça et... Suite des discussions. Au début, j'étais un peu pour le PT. Au début, j'étais vraiment. Je pensais que le libéralisme. Je trouvais que ça se tenait, le libre-échange. Puis j'ai un peu creusé la question et en fait, c'est. Qu'est-ce qui se tenait dans le libre-échange ? Dogmatique, quoi. Ben, la loi de l'offre et la demande, je trouve que sur papier, c'était beau, quoi. Mais en fait, en réalité, c'est totalement faux, quoi. En quelques lignes, parce qu'on n'a pas le temps de faire une grosse analyse, mais qu'est-ce qui est complètement faux ? Ben, c'est faux de croire que. S'il y a des prix bas, tout le monde va être au courant, tout le monde va aller vers des prix plus bas et du coup, le concurrent va baisser ses prix. Non, on n'est pas au courant de tous les prix qui existent. On n'a pas le temps de faire une recherche, de savoir c'est quoi le... C'est la concurrence, la plus bas. Oui, la concurrence, oui, mais là, ouais. Sur la concurrence, rien que ça, c'est déjà foireux. Et puis, il y a des multinationales qui ont tellement beaucoup plus de moyens et pour elles, c'est facile de faire pas cher et en plus... voilà, c'est... On va se débattre, je m'y perds. Bon, ouais, moi aussi je m'y perds parce que là, c'est un. Ton résumé est pas très simple pour dire. Avant, je comprenais le libéralisme et puis maintenant je le comprends plus. Non, et puis après, je suis passé du côté PTB, enfin, c'était il y a 10 ans, la première fois que j'ai voté, c'était pour ça. Et puis maintenant, je pense que c'est mieux de pas voter, ou en tout cas de juste voter au communal parce que limite, on a un pouvoir d'influence plus facile sur. Nos élus communaux, vu qu'on les croise normalement régulièrement, donc on n'a qu'à aller au conseil communal pour les trouver et... Et aller dire vous êtes un menteur ou une menteuse. Et un peu les choquer, on va dire. Mais au fédéral ou au parlement régional, c'est impossible. C'est blindé. D'ailleurs, ici, au Parlement wallon, ils veulent faire une zone bleue comme à Bruxelles, donc voilà, on voit qu'on... Zone bleue, c'est-à-dire ? Comme à Bruxelles, en fait, pas de rassemblement possible autour du Parlement fédéral. Sinon, il y a directement les autopompes et la police anti-émeute qui arrêtent tout. C'est le nouveau, monde. Ça ? Non, ça existe depuis longtemps. Hein. En tout cas, au Parlement fédéral. Ici, au Parlement wallon, ils sont en train de mettre en place des lois pour que ça arrive. Ouais. Du coup, c'est vraiment pour casser toute forme de contestation, ou en tout cas pour empêcher toute forme de s'en prendre à des biens pour... faire valoir juste le schéma politicien classique de élection, parti, la rue. Ils sont en train d'essayer de pacifier la rue le plus en plus. Mais en plus ils vont le faire, au plus ça va être explosif. Donc c'est un vaste débat, mais il ne faut pas que cette zone bleue passe en tout cas. Parce que sinon c'est plus de manifestation du tout sur le Grognon. Et voilà, c'est quand même, allez, symboliquement, gueuler... et taper sur les fenêtres des politiciens, ça a quand même un certain impact. On sent qu'on a encore des droits ou qu'on peut avoir une sorte de pouvoir sur ceux qui nous dirigent, si j'ose dire. T'es marrant, t'es comment... En tout cas, on pourrait brûler le Parlement. Ah, ben ça, il ne faut pas le dire. Bon, merci à toi. Hein. Ben, de rien, avec plaisir. Vive l'anarchie. Bonjour. Bonjour. Je suis un gentil média, je suis un média alternatif. Bonjour, si jamais vous n'êtes pas à l'aise. Ça va, moi aussi je suis un média alternatif, donc il n'y a pas de souci. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que je fais là ? Ben, parce que j'en ai marre des politiques d'appauvrissement qu'on prend dans les gencives. Alors comme moi je viens d'avoir 60 ans, enfin je vais les avoir, je peux le dire, ça fait 40 ans que ça dure. Mais chaque fois ça empire. 40 voilà. ans que ça dure ? Ben oui, ça a commencé par les premières politiques d'austérité, c'est milieu des années 70. C'est le gouvernement Tindemans, puis le gouvernement Martens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec Eskens entre-temps. Et on a reculé sur tous les fronts. Et moi, ça fait 40 ans que je défends essentiellement deux sortes de combats, défense des chômeurs, des locataires sociaux, en gros des pauvres, et d'autre part des immigrés. Et bien, sur les deux terrains, voilà, maintenant on a Franken, avant ça on avait Maggie de Bloch. C'était pas mieux, simplement l'autre se lâche un peu plus, c'est tout. Voilà, mais on obtient aussi des victoires. Moi, je me suis battu pour un des dirigeants des migrants en Grèce qui avait été massacré par Aube Dorée. Tout le monde m'a dit, il était déjà réfugié en Grèce, vous n'aurez pas le droit d'asile. On s'est battu 7 mois, on a arraché le droit d'asile contre Maggie Le Bloch à l'époque. Et je viens de mener avec ma copine Bernadette Cheikh de l'Association Défense des Locataires Sociaux. Moi, je suis du collectif Solidarité contre l'exclusion. Pendant 2 ans, on a mené une bataille en entraînant derrière nous les réseaux de lutte contre la pauvreté, les syndicats, la Ligue des droits de l'homme, la CGSP, les comités de chômeurs syndicaux, intra-syndicaux. 2 ans de bataille pour faire retirer le service communautaire, ce travail gratuit et soi-disant volontaire, mais dans les faits imposé évidemment aux locataires de CPS. 2 ans de bataille, on vient de gagner, la Cour constitutionnelle vient de déclarer le projet anticonstitutionnel. On l'a gagné. Et ils ont ressorti le même projet pour les chômeurs, et on se remet de nouveau, parce que voilà, c'est jamais acquis une fois pour toutes, donc on recommence la bataille, et je vous fiche mon billet qu'on se donne rendez-vous dans 1 an, et on aura gagné aussi. Comme quoi, même dans le contexte actuel, quand on est déterminé, qu'on sait où on va, qu'on a une bonne stratégie, on ne gagne pas toujours, mais on peut gagner quand même. Ouais, ça fait plaisir de gagner quand même, hein, parce que oui, c'est très important. Ça, pour le moral. Voilà, c'est la plupart des gens. Alors moi, j'ai 60 ans, donc je peux parler comme un vieux con, j'assume. Mais c'est vrai que je vois très bien. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai encore connu des luttes qui étaient luttes offensives. On ne se battait pas pour empêcher des projets dégueulasses, on se battait pour arracher des choses. Pour gagner des choses. Pour gagner des choses. Aujourd'hui, on parle de victoire quand on est parvenu à empêcher un projet dégueulasse, antisocial et scélérat. Ça monte à quel point on a reculé. Et donc des jeunes qui ont grandi là-dedans, évidemment, une lutte victorieuse, ils n'ont pratiquement jamais connu ça. Moi, j'ai encore eu la chance, et c'était déjà la fin. Hein. J'avais 20 ans, et c'était déjà la fin, la queue de la comète. Mais j'ai connu la fin des années 70, où on obtenait des choses. Eh bien, malgré tout, on parvient à gagner. Alors pour l'instant, c'est des victoires défensives, on empêche des trucs. Mais c'est très important aussi. Et puis un jour, on va repartir à l'offensive. Voilà, moi je suis très optimiste. Moi, je milite avec tous les gars et les filles qui sont en âge d'être mes enfants, voire mes petits-enfants. Et je trouve que la relève est là. Pendant c'est très génial long, que pendant vous êtes optimiste et rare. Pendant très longtemps, mais moi j'ai connu les années 80-90, où on ramait, à fin des années 70, mais surtout 80-90, on ramait complètement à contre-courant. Comme dans Astérix en Grande-Bretagne, on ramait comme des malades et on reculait, tellement le courant était inverse. Aujourd'hui, ce n'est pas le tsunami, mais c'est la marée montante. Je vois des nouvelles générations. Il y a eu les intermondialistes dans les années 2000. Il y a eu les indignés dans les années 2010. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui monte aussi. Voilà. Moi, je suis... De toute façon, je n'ai pas le choix. Moi, j'ai un fils qui a 22 ans. Donc, je dois être optimiste. Et même si je n'ai pas d'enfant, je me bats pour... Je suis toujours battu pour tout le monde, pour les enfants des autres. Mais à plus forte raison, je ne peux pas dire à mon fils, c'est plié, c'est foutu, on n'y arrivera pas. Et j'ai la chance de pouvoir lui dire, eh ben, ton père a modestement, mais réellement contribué à 2 victoires. Une importante, le dirigeant des migrants qui avait été quasi assassiné par les fachos qu'on a sauvé. C'était déjà pas mal, ça avait un enjeu qui dépassait la personne. Mais ici, on vient de gagner une bataille qui potentiellement concernait des dizaines de milliers de gens en Belgique. Et on a gagné. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de désespérer. Voilà. Moi, je suis plus optimiste aujourd'hui que je n'étais il y a 15 ans, ça c'est certain. Ah bon? Je ne crois pas que c'est parce que je deviens sénile ou que... Non. C'est que, hélas... Il n'y a aucun mérite, aucun avantage à être vieux. Le seul avantage, c'est que si on ne va pas devenir Alzheimer et qu'on a un million de mémoire, on se rend compte que les choses ont été pires. Oui, ou alors on se rend compte avec le temps, je ne sais pas, là je parle à votre place, mais parce que ça, ça me fait tiquer de dire je suis optimiste. De toute façon, c'est comme si on n'a pas le choix. Au plus on avance dans le temps, au plus on se dit de toute façon, il n'y a pas le choix d'être optimiste, même si on sait que c'est la merde. On est quand même dans un monde de merde, hein, monsieur. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Mais raison de plus pour lutter. Vous savez, il y a l'urgence. Il y a deux types d'urgence pour moi. Il y a d'une part l'extrême droite qui remonte partout. Moi, j'ai commencé en 79 dans un journal qui s'appelait Pour, qui a été incendié par les fachos. Le seul journal. Qui est de retour, le journal. Mais c'est plus rien à voir avec ce qu'il était, croyez-moi. Même si c'est la même personne qui est à l'initiative, mais ça n'a plus rien à voir. Mais le journal Pour de l'époque, il a été incendié. Le seul journal dans toute l'histoire de la Belgique qui a été incendié, bombe incendiaire, parce que depuis 2 ans, on révélait tout un scandale touchant l'extrême droite, des camps armés dans l'armée, avec la complicité d'officiers de l'armée belge. Des pratiques terroristes, infiltration de la sûreté de l'État, etc. Torture d'un progressiste sortant d'une fête progressiste. Là. Et au bout de 2 ans, ça nous a valu la mise en cendre de notre journal Bombe incendiaire. Ah oui, il a été mis à... Brûlé entièrement. Heureusement, ça a créé un électrochoc, il y a eu un mouvement de solidarité énorme. Des gens comme Eddy Merckx ont donné du fric. Des gens comme Franquin nous a fait nos couvertures pendant... Donc voilà, ça nous a plutôt servi qu'autre chose, paradoxalement. Mais voilà. Donc, ça, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois Skildenvrin. Je vois effectivement combien les cadres de la NVA sont gangrénés par les anciens du Vlaams Belang qu'on connaît tous. Je vois que le Vlaams Belang, pour la première fois, on va rompre le cordon sanitaire et la NVA envisage très sérieusement des alliances avec le Vlaams Belang au niveau communal. Donc voilà, le combat que je menais il y a 40 ans, l'urgence, elle est toujours là. Mais encore une fois, il y a 40 ans, on a gagné parce que suite à cet incendie et suite à nos révélations, les deux principales forces d'extrême droite de l'époque, le Vlaams Militante Horde et le Front de la Jeunesse, ont eu des procès et ont été cassés et interdits. Nous avons cassé, avec notre action, nous avons cassé le premier élan de l'extrême droite il y a 40 ans et on va recommencer. Mais quand vous dites nous, c'est qui en fait? À l'époque, c'était Pour, c'est le journal Pour. Le travail qu'on a fait, qui était un journal de gauche radicale, qui se battait sur plein de terrains, mais particulièrement sur le terrain de l'extrême droite, parce que nous avions compris dès la fin des années 70 qu'avec la crise et les politiques de crise visant les publics précaires, la population, les plus vulnérables, que l'extrême droite avait un boulevard devant elle et qu'elle allait redresser la tête. Et donc dès le départ, nous avons fait un travail énorme de dénonciation et de sensibilisation contre l'extrême droite et qui a été payant. Ah parce oui que comme à l'époque, elle ne s'est pas percée électoralement, elle a percé 2-3 ans plus tard, mais à l'époque, elle n'y arrivait pas encore. Mais sa stratégie, c'était j'investis l'appareil d'État, la sûreté de l'État, etc. Et des pratiques vraiment terroristes. Vraiment terroristes. Et plus tard, les tueries du Brabant, etc. Qui étaient clairement liées à l'extrême droite. Et donc, par rapport à ça, nous, on a dénoncé tout ça. Et on a amené tellement de preuves sur le plateau de la justice que ces organisations ont été poursuivies et dissoutes en justice. Et ceux qui ont incendié le journal... C'est nous qui les avons livrés à la justice. La justice battait le beurre, nous avons mené notre enquête, et en 6 mois de temps, on a livré les incendiaires. Comme déjà, à l'époque, c'était une victoire. Donc, bien sûr que je suis optimiste. Alors, à la fois, je suis désespéré par moments, parce que je me dis, putain, il y a 40 ans, je menais les combats, oui, et je dois continuer. Oui, mais ça, et maintenant, ils sont au pouvoir. C'est quand même... La NVA, c'est la droite extrême, c'est pas l'extrême droite. C'est pas un parti. Il y a une différence entre un parti fasciste qui ouvertement dit qu'il veut détruire les institutions. Je ne crois pas que la NVA veut détruire les institutions. C'est un parti ultra-capitaliste, mais avec des accents... Ah oui, Franken et Yambon, c'est des anciens d'extrême droite. Eux, c'est des fachos, oui. Il y a eu des transfuges. Une bonne partie du public et des cadres du Vlaams Belang ont rejoint la NVA. Mais on ne peut pas dire que la NVA, dans son ensemble, je ne crois pas que le projet de M. De Wever est de renverser des institutions et d'instaurer un État fort tout à fait autoritaire. Je ne crois pas. Il n'a pas besoin de ça. Il peut déjà mener sa politique maintenant. Les gens comme De Winter, c'était ça. C'était le projet, c'était faire ce que Hitler et Mussolini ont fait. On est quand même... Voilà. Alors, ça se ressemble. Et qui se ressemble, ça semble, mais il faut garder le sens de la nuance. Parce que si tout est fasciste, dès qu'un mec est de droite et un peu raciste, on le traite de fasciste. Je dis, mais si c'est vrai, alors le fascisme, il est partout. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, des gens qui dénonçaient à raison, aux 25 ans, Louis Tobac, SPA, socialiste, ministre de l'Intérieur, qui menait une politique dégueulasse contre le droit d'asile, contre les réfugiés, le premier centre fermé, c'est lui, etc. Et donc, mes copains à Louvain, c'était leur bourgmestre, disaient, c'est un fasciste. Je dis, dites, les gars, s'il est vraiment fasciste, vous rendez compte qu'il est ministre de l'Intérieur? Je dis, ben là, il faut commencer à creuser des caches d'armes, hein, les mecs. Je lui dis, il faut aussi garder le sens de la mesure. Louis Tobac était une ordure démagogique et qui caressait l'extrême droite au sens du poil. C'était pas un facho, c'est pas la même chose. Ouais, mais ça a l'air d'être si évident pour vous, mais... Non. Il faut quand même voir qu'est-ce qui se cache derrière. On ne va pas dire tout haut qu'on est facho, vous voyez. Non, oui, vous entendez ce que je veux dire? Je crois on ne dit pas tout haut qu'on est facho. Je crois pas que la direction de la NVA et à un projet fasciste. Ce qu'ils font est très grave, mais vous savez, dans les années 30... Attendez, quand Théo Franken, il fait des blagues dégueulasses, racistes, sur son... sur sa page Facebook et compagnie... Ouais. Il a dû. C'est qu'il va à la chasse aux voix et qu'il caresse dans le sens du poil les fachos. Et lui, historiquement, est un facho, c'est très clair. D'accord. Mais donc, il y a des individus. Il fait partie de la LNV, quand même. Voilà, mais c'est comme si, parce que vous trouvez au Parti Socialiste des anciens trotskistes lambertistes, et qu'on disait que le PS est devenu lambertiste. C'est ridicule. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et je vous dirais, parce que moi, je connais surtout. J'ai beaucoup travaillé sur l'extrême droite, sur le fascisme historique d'avant-guerre. Avant qu'Hitler arrive au pouvoir, il y avait déjà des politiques. La plupart des libertés civiles avaient déjà été éliminées par les différents gouvernements de droite dure. Il y avait un milliardaire qui s'appelait Hugenberg qui avait un programme proche de Hitler. Et la plupart des gens de gauche et des démocrates disaient « Oh, Hugenberg ou Hitler, il n'y a aucune différence ». Les mêmes, 6 mois plus tard, quand Hitler est arrivé au pouvoir, étaient derrière les barbelés. Ils ont compris qu'il y avait une différence. Il y avait un saut qualitatif, mais là c'était trop tard. Donc si on dit que tout est fasciste, plus rien n'est fasciste. Vous connaissez l'histoire du petit garçon qui crie tout le temps au loup, hein ? Et le jour où le loup arrive, plus personne ne l'écoute. Donc c'est très important. Alors maintenant que c'est un parti de droite extrême qui flirte avec l'extrême droite, qui reprend les thèmes, mais c'est pas un parti fasciste. Vous pouvez entendre ma pensée ? Bon, vous êtes plus vieux que moi, vous avez sûrement plus d'expérience et plus d'historique, on va dire, plus de lecture, mais si Hitler, il a pu arriver au pouvoir, c'est parce qu'il y a bien une extrême droite qui l'a aidé. Attendez, je continue. C'est parce qu'il y a bien une extrême droite qui a pu l'aider à venir au pouvoir. Il n'est pas venu au pouvoir tout seul, le Hitler. Oui, mais donc il y a tout un système qui l'a aidé et qui ne se disait pas, fasciste, hein. Cette guerre, elle a été fasciste évidemment, mais elle a aussi, surtout été aussi économique. Hein, c'est une guerre économique. Je suis tout à fait d'accord. Mais donc, il faut arrêter de, comme vous dites, nuancer avec les mots. Oui, lui, il est fasciste, lui, il l'est pas. Tout compte fait, c'est des gros imbéciles, quoi. Il faut savoir identifier les dangers. La NVA est très dangereuse. Mais si c'était aujourd'hui à Anvers, Philippe de Winter, qui est passé à deux cheveux d'avoir la mairie à Anvers il y a 20 ans, c'eût été beaucoup plus grave. Croyez-moi. Si c'était au pouvoir, aujourd'hui, il y aurait des ratonnades systématiques dans les quartiers à Anvers, ce qui n'existe pas encore. Par contre, moi, je connais très bien la situation en Grèce. J'ai travaillé avec mes camarades syndicalistes antifascistes en Grèce. J'ai aidé, le principal dirigeant des migrants en Grèce, quasi assassiné par groupe doré, à venir ici. Donc, je connais très bien la situation. En Grèce, aujourd'hui, il y a une situation où on est à 400 à 500 meurtres d'immigrés en Grèce. Il y a des quartiers entiers où il y a des ratonnades tous les soirs. Encore maintenant ? Oui, absolument. J'ai lu récemment que les chefs étaient en prison. Les chefs étaient en prison, bien sûr. Et alors ? Vous savez, c'est pas en coupant 3 têtes que vous tuez une hydre. Hein. Les têtes, elles repoussent immédiatement. Non, mais quand je disais que je pensais que les chefs étaient en prison, ça veut dire que c'était fini, mais non. Non, pas du tout. Et une bonne partie de la droite continue à être sympathisante, elle ne peut plus le dire ouvertement. Parce que comme vous l'avez dit, il y a des passerelles, évidemment. Mais je peux vous dire la situation en Grèce par rapport à la Belgique, moi je connais les deux. Hein, j'étais encore il y a un an et demi en Grèce, justement, dans ce cadre-là. Il y a des quartiers entiers où, effectivement, il y a de véritables escadrons de la mort, des milices qui font la chasse systématique. Nous n'en sommes pas là. Alors, et je ne crois pas... Je ne crois pas que c'est le projet de quelqu'un comme Franken. Franken, il veut l'expulsion de tous les irréguliers, etc., etc. C'est déjà une politique très, très à droite. Et d'ailleurs, c'est pas vrai que les gens votent maintenant pour le Belang, c'est parce qu'ils trouvent, justement, que la NVA ne va pas assez loin. Donc c'est ça qui est important de comprendre la différence. Alors ça ne veut pas dire que la NVA c'est des gentils et que c'est anodin, c'est terrible. Mais il y a une grosse différence. Et si la NVA a pu arriver au pouvoir, c'est bien parce qu'elle a appris à lisser son discours, mais pas seulement son discours, elle a aussi appris à nettoyer son programme. Parce qu'avec le programme du Vlaamse Belang, la bourgeoisie n'est pas encore prête à donner le pouvoir aux fascistes. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Regardez le gouvernement qu'on a. Michel, c'est pas un fasciste, mais il peut rien faire passer tout ce qu'il veut. Oui, mais là, donc, maintenant, ils n'ont pas besoin de ça. Ah, c'est un allié. Alors, ce qu'il a fait est dégueulasse. Il a ouvert la porte de la bergerie au loup. Mais c'est pas lui, le loup. Lui, c'est un chien. C'est un chien errant, enragé. Mais c'est pas encore les loups. Les loups, c'est différent. Croyez-moi. Mais si on veut battre le Vlaamse Belang, il faut d'abord battre la NVA, évidemment. Si on ne sait pas battre la NVA, on ne saura pas battre le Belang. Ça, c'est certain. Donc, c'est un même combat. C'est un continuum. Mais c'est pas la même chose. Si vraiment la NVA était fasciste, il y aurait de quoi se chier de peur sous soi. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, les nazis sont au pouvoir en Belgique. Il faut savoir ce que ça a été que le nazisme quand même. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, dans les 3 semaines qui suivaient, toutes les libertés civiles étaient anéanties, des centaines de milliers de gens étaient derrière les barbelés, etc. On n'en est pas là. Mais si on laisse faire, ça peut un jour arriver. Mais on n'en est pas là. Vous savez, parce que sinon on désespère les gens. C'est comme pour le climat, hein, quand on dit il nous reste encore 2000 jours pour sauver la planète. Mais les gens ont plus envie de se battre. C'est énorme. C'est complètement désespérant comme point de vue. Et c'est faux en plus, heureusement. Mais si c'était vrai, alors voilà, on fait des partout généralisés, on s'éclate et on dit tant pis, après moi les mouches. Non. Donc les discours, parfois il y a des discours. Je suis un marxiste révolutionnaire, je suis quelqu'un qu'on peut traiter entre guillemets d'extrémiste. Mais il y a des discours qui sont tellement ultimatistes qu'ils ne sont pas crédibles. Ou alors qui désespèrent les gens. Mais moi je dis l'extrême droite, on peut les battre. On peut les battre. J'ai donné l'exemple, nous, au début des années 80, dans un contexte tout à fait défavorable pourtant, c'était la crise, c'était la première politique thatchérienne et tout, on est parvenu à faire interdire et casser littéralement les deux principaux partis fascistes qui étaient des milices extrêmement dangereuses. Ils sont retrouvés dans les barreaux. Donc on peut le faire, mais il faut le refaire. Ouh, voilà. Eh bien merci beaucoup Ali. Je vous en prie. on se reverra peut-être. Ah, mais c'est vous savoir qu'est-ce que vous faites là, vous, ici, à la manif? Alors, en fait, nous sommes avec l'école et nous sommes venus participer à la manifestation car on voit la pauvreté au cours. J'adore comme tu dis ça. Tu veux, car on voit la pauvreté au cours. Ouais. Vous étudiez la pauvreté. Ouais. Et ça donne quoi? On vient de commencer le chapitre. On est venu ici un peu se renseigner sur les différentes associations qui défendent le projet. Oui, mais dans ta vie de tous les jours, j'imagine que la pauvreté, c'est pas quelque chose de théorique, quoi, non? Non, mais... Par rapport à un budget, par rapport aux choix qu'on fait, par rapport à... Enfin, ça veut dire qu'on se rend pas vraiment compte, des choses tant qu'on les vit pas sur place. Et c'est en voyant ici le nombre de gens qu'il y a et le nombre de manifestants qu'on se rend compte vraiment que c'est un problème de société et que... Enfin, que tout le monde pourrait tomber dedans du jour au lendemain, quoi. Vous, vous ne considérez pas pauvre, quoi? Toi, ta famille, les gens autour de toi, tu n'es pas confronté à la pauvreté? Bah, comme tout le monde, on doit faire attention à ne pas laisser l'argent dans rien, mais personnellement, non. Mais après, je reconnais quand même le problème et je connais des gens, donc... Qu'est-ce que la pauvreté, pour toi? Pour moi, la pauvreté, c'est quand on n'a pas les moyens de s'offrir tout ce qu'on voudrait et qu'il faut ramer pour mettre à manger dans son assiette et que... Bref, on n'a pas forcément l'occasion de participer à toutes les activités sociales et culturelles dues au manque d'argent. Quand on ne sait pas répondre à ses besoins fondamentaux. Ouais. Comme quoi? Se laver, se nourrir, donc se soigner, et puis avoir une vie sociale, la communication, l'emploi aussi, le logement. C'est la merde, hein, quand même. Ouais. Si on peut pas... Quand on fait partie de la pauvreté, on est vraiment rejeté, quoi. On n'est pas du tout intégré dans la société parce que pour être dans la société, il faut remplir des normes. Mais malheureusement, la pauvreté n'en fait pas partie. Donc, qui est complètement débile. Et pour vous, après j'arrête, les dernières questions. Comment ça se fait qu'on est pauvre? Ah, mais ça dépend. Parce que je crois que c'est surtout cette question-là qui est fondamentale. Comment ça se fait qu'on devient pauvre ou qu'on est pauvre? Bah, ça dépend. Soit parfois les parents avant étaient pauvres, donc on récupère soit les dettes des parents, ou on peut très bien avoir de l'argent et avoir un problème de santé qui fait qu'on se retrouve sans travail, donc manque d'argent. Ça peut être beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de facteurs de risque. Il y a les familles monoparentales, les familles étrangères, il y a les gens qui n'ont qu'un emploi, il y a les gens qui ont vécu un traumatisme, les gens qui ont vécu plein de choses. Ouais, il y a l'hérédité qui joue. Et il y a aussi le fait qu'il y a des gens, ils n'ont pas appris à construire un budget. Et voilà, nous, on a la chance, par exemple, là, en social, de vivre ça. Et ça aurait dû être instruit dans les générations, et malheureusement ça ne s'est pas fait, et voilà comme quoi on en arrive là aujourd'hui parce que tout le monde n'a pas eu cette chance là comme nous d'avoir ces cours là à l'école. Oui, et pourtant on entend aussi dans le discours les pauvres ils ont qu'à travailler, ils ont qu'à se bouger. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, parce que déjà quand on est pauvre, comme Pauline a dit, on est un peu rejeté de la société, donc on aura plus de mal à trouver un travail, plus de mal à se réintégrer, et c'est ça qui est débile. Vous êtes d'accord pour une aide, en fait? Évidemment, sinon on ne serait pas là si on n'était pas d'accord pour... Il y a être pauvre, donc il y a se sentir pauvre, donc c'est un état psychologique, et il y a aussi être pauvre dans le sens rémunération et revenu. Mais je veux dire, être pauvre et se sentir pauvre, c'est absolument pas la même chose. Être pauvre, c'est pas spécialement être à la rue. Être pauvre, c'est comment... Être pauvre d'amis, pauvre d'amour, pauvre d'affection, alors que simplement on était peut-être riche. Donc ça dépend d'un état à l'autre. Voilà, et là c'est petite rencontre avec Maxime, c'est comme ça que... Ouais, Maxime... Mikils. Voilà, président de la FEF. Voilà. qui veut dire ? Bah, qui veut dire que du coup il est... La FEF. Ah, la FEF, ah pardon. Oui, parce que pour toi, présidente, la FEF, mais qu'est-ce que c'est la FEF ? Donc c'est la Fédération des étudiants francophones, c'est le premier syndicat étudiant de Fédération Uni-Bruxelles, donc on défend les étudiants, on les représente, on les mobilise, on les organise, on fait tout ça à la fois. Oui, et t'étais là sur l'estrade à côté de Christine Mahy, habité. Comment t'as dit ? Remonté, ouais. Oui, remonté, mais aussi habité, quoi. T'es tout jeune, t'as quel âge ? Moi, j'ai 22 ans. Oh, c'est dingue ça d'être aussi clair dans sa tête, parce que ce que tu peux un petit peu résumer hein, ce que tu disais. Mais du coup, j'expliquais en fait un peu pourquoi on pensait que c'était important d'être là, et du coup, c'était quoi les enjeux en fait de la réduction de la pauvreté, et en quoi surtout la pauvreté, c'était pas seulement l'affaire d'une catégorie de la population qui serait définie, mais en fait, c'était aussi l'affaire des étudiants, c'était l'affaire de tout le monde en fait, et du coup, ça devait nécessiter l'effort de tous pour la réduire, et surtout de la collectivité, nos politiques. Donc un peu ce que j'ai expliqué, c'est que l'idée était de faire au début une incise pour passer de la journée de la lutte contre la pauvreté à les problématiques étudiantes, parce que c'est pas nécessairement évident au premier abord que les deux sont liés. Donc j'essaie de remonter aux sources de la pauvreté. Pourquoi est-ce que depuis 30 ans on voit que les conditions de vie des plus pauvres et en fait surtout la pauvreté en général, c'est quelque chose qui progresse, donc de faire référence à Ça voudrait dire qu'il y a de plus en plus de pauvres alors. Voilà, clairement, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de précaires, les inégalités se creusent, et que ça, en fait, c'est la faute de l'appareil néolibéral, du néolibéralisme, qui est une idéologie, en fait, qui s'est instaurée dans la société. Excuse-moi de te couper chaque fois, hein, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Mais donc, ça veut dire que c'est... Parce que souvent, ce qui n'est pas mis en avant dans les médias dominants, on va dire, c'est que si t'es pauvre, t'es bien fait pour toi. T'as qu'à travailler, t'as qu'à bouger tes fesses, t'as qu'à... Ouais, mais ça, c'est vraiment les caractéristiques de ce néolibéralisme, c'est d'individualiser tout le monde et des problématiques, quoi. Si tu serais pauvre, c'est parce que tu serais trop fainéant, c'est pas parce qu'en fait, là, il y a des gens qui s'amusent à détricoter ta sécurité sociale et à empêcher que systématiquement on redistribue les richesses. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir revenir à la base de ça, d'expliquer qu'il faut des régulateurs dans notre société, des choses qui permettent de redistribuer ce qui est produit. On vit dans un pays où on n'a jamais autant produit de richesse. 466 milliards d'euros, c'est le PIB de la Belgique en un an, c'est énorme. On n'a jamais produit ça en Belgique. Et pourtant, on est à un moment où, au plus cette richesse grandit, au plus les gens sont pauvres en bas de l'échelle sociale. Et donc, à un moment donné, il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que c'est mal régulé. Et donc, l'important, c'était de pouvoir réinsister sur en fait, le besoin de services publics, le besoin de financer ces services publics avec de l'impôt et toutes ces choses-là. Qui part en cacahuète, ça. Maintenant, ça devient de plus en plus clair hein, avec les lanceurs d'alerte, les impôts payés, pas payés par des grands, richissimes personnes. 221 milliards en un an d'évasion fiscale, c'est absolument gigantesque. Oui, c'est énorme. Ouais, et alors, je ne sais plus ce que je disais maintenant. Parce que... Moi aussi, j'ai perdu le fil, mais j'ai perdu le fil. Tu disais la, et moi, je te disais, oui, maintenant, ça devient... Ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète, mais maintenant, on sait aussi, tu vois, les lanceurs d'alerte ont alerté le monde pour dire que la richesse de notre pays... Oui, tu parlais du nombre du PIB sur l'année et... où va cette richesse en fait ? Parce que c'est ça qu'on se demande. Il y a de plus en plus de pauvres, mais où va la richesse alors ? Elle est très mal répartie aujourd'hui et du coup elle part pas, dans des utilisations qui sont collectivement décidées. C'est ça aussi qui est important de remettre en évidence, c'est que du coup aujourd'hui, ni toi ni moi, on a en fait de vrais poids en tant que citoyen, en tant que producteur de richesse pour décider ce qu'on va faire de cette richesse, quoi. Et donc par contre, il y a des gens qui eux peuvent décider, qui sont très puissants, qui eux peuvent décider en fait comment eux décident de répartir la richesse, à quelles utilisations ils veulent en faire. Et donc par exemple, nous on peut avoir envie en fait de pas payer trop cher notre transport ou notre logement pour en fait pouvoir vivre et se déplacer, mais il y a des gens qui ont en fait faire un autre choix. La manière de remettre les choses que je disais sur la fin du discours en disant que voilà, on était quand même très nombreux, on était une force nécessaire de changement, eh bien, c'est-à-dire que du coup, en fait, on est beaucoup plus nombreux à penser qu'il faudrait réduire la pauvreté, réduire les inégalités, que en fait, ceux qui sont en train d'essayer de creuser ces inégalités et de profiter de la richesse qu'on produit aujourd'hui. Et que du coup, il ne tient qu'à nous de pouvoir réinverser ce phénomène et de faire pression sur nos politiques. Bon, il ne tient qu'à nous, dans quel sens ? Du coup, c'est, c'est une question collective. Donc en fait, c'est des choix politiques ce qui se fait aujourd'hui. Et donc un choix, il est possible d'en faire un, c'est ce que nos politiques font, il est possible de les pousser à en faire un autre. Et donc pour ça, ben, en fait, on peut se mobiliser, on peut discuter, débattre chez nous, dans nos familles, à nos repas de famille, etc. Donc en fait, comment est-ce qu'on pense que le monde devrait mieux évoluer? Inviter les gens à se mobiliser et à rentrer en lutte, en révolte contre ce système qui aujourd'hui opprime une partie de plus en plus importante de la population, et puis à terme, en fait, d'arriver à faire changer les politiques. Oui, donc c'est bien une lutte, quoi. Il y a bien une lutte. Alors, c'est ça, hein, j'ai bien compris. Il faut quand même se battre. Il faut pas être passif. Il faut aller dans la rue. Il faut quoi d'autre. Il faut, parce que j'imagine que le néolibéralisme va pas se laisser faire. Hein, ça va pas se faire comme ça. Non, et clairement, on voit qu'aujourd'hui la concertation sociale, quelque chose qu'en fait il est en parler, qui en fait le but, c'est qu'on fait les corps minoritaires, par exemple les travailleurs, les étudiants, en fait toutes les personnes qui sont plutôt en bas du rapport de force, défavorisées par ce rapport de force, puissent quand même avoir un droit à la parole. C'est quelque chose qui était chèrement gagné et arraché par des luttes sociales et des luttes syndicales, et là aujourd'hui en fait on se rend compte que c'est quelque chose qui est dont les dirigeants ne prennent plus acte. C'est en fait la concertation sociale, c'est quelque chose qui est vraiment menacé aujourd'hui, enfin, en tout cas avec le gouvernement Michel là depuis 6 ans, non, 5 ans. Oui, mais pas que. Moi, je veux balancer personne, mais disons que dans d'autres gouvernements, ça peut se pratiquer aussi, qu'en fait, on sent qu'on n'est plus vraiment écouté, et que si on ne vient pas nous-mêmes instiller un rapport de force, d'être toujours à se mobiliser et tout, en fait, les politiques, elles vont pas dans le sens du bien commun, elles vont pas dans le sens de l'intérêt général, mais elles vont dans un autre sens, et c'est pas celui dont on a besoin aujourd'hui pour réduire les inégalités. Encore une petite question, mais les syndicats qui, tu sais, les gros syndicats en Belgique, pourquoi ils laissent faire comme ça? Ils attendent quoi? Je veux dire, il y a quand même des choses énormes qui se passent. J'avais envie d'avoir ton point de vue d'un mec de 22 ans, bien éveillé quand même sur les choses. Enfin, qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Mais tu trouves qu'ils laissent faire? Moi, je sais pas. Moi, je trouve que ça ferait longtemps qu'il y aurait une espèce de grève générale qui devrait durer plusieurs... Enfin, tu vois, de mettre vraiment... T'as vu ce qui se passe? Enfin, et ils sont toujours là à dire non, on va quand même faire une petite manifestation. Enfin, j'ai l'impression qu'est-ce qu'ils font, quoi. Voilà, j'ai envie de dire ça. Ouais. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Enfin, pour être parfois dans la même position qu'eux, à devoir voir des choses extrêmement scandaleuses qui se passent au niveau étudiant, il n'y a pas nécessairement d'avoir la capacité d'organiser des actions toujours très fortes. Il faut rappeler deux choses qui sont importantes. Il y a une progressivité dans la lutte. En fait, on démarre pas du jour au lendemain à faire une grève générale illimitée, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de se retrouver très isolé et tout seul, en fait, à partir en grève générale illimitée. Mais donc, en fait, ça n'est pas de poids. Et du coup, ça nous amène à la deuxième règle. Étudiants, tu parles. Oui, mais même les travailleurs ou les étudiants, n'importe qui, en fait, s'il faut pouvoir progresser dans la lutte, voilà, on fait des manifs régionales, puis des manifs nationales, puis une journée de grève, puis une semaine de grève, puis un mois, puis une grève générale. Et donc, on va voir jusqu'où on peut aller, nous. Mais c'est que de l'autre côté, il faut aussi se rendre compte qu'il faut, pour que ça marche, la mobilité, il faut qu'on soit suivi par une partie importante de la population. Et donc voilà, est-ce que aujourd'hui les syndicats, etc., arrivent encore à entraîner des gens derrière eux autant que ça pouvait se faire avant? Je pense que du coup le néolibéralisme a réussi à instiller ces logiques individualistes chez les gens qui du coup ne croient plus dans les syndicats, alors qu'en fait ce sont des institutions qui sont ô combien nécessaires et qui sont vitales en fait pour la démocratie du pays, puisqu'elles permettent de donner la voix aux travailleurs. Et moi, je soutiens toujours les actions que les syndicats peuvent entreprendre, et je pense fondamentalement que leur position n'est pas facile. Moi aussi, je pense que leur position n'est pas facile, mais je pense de plus en plus qu'il y a quand même une espèce de... Comment dire, on ressent dans la société civile les gens qu'on en marre. Enfin, toi, c'est pas... c'est bon, quoi. Tu vois, c'est... Et ceux qui sont à la tête de mettre en place des mécaniques pour rassembler le peuple, on va dire, hein, on résume comme ça, pour rassembler les syndicats, ils le font pas, j'ai l'impression. Ils ont peur. Je me demande qu'est-ce qu'ils attendent, quoi. Comme tu dis, c'est pas si facile, c'est pas si simple. Ben oui, ben en avant, quoi. Mettons-nous en place. Mettons les choses en place. Enfin, voilà. Moi, ça reste un point d'interrogation. Là, je trouve qu'on travaille pas assez cette mobilisation. Voilà. Mais... Moi, je pense qu'ils y vont, en fait, pour prendre la rentrée syndicale de la FGTB, où voilà, ils annonçaient vouloir faire une grève très forte, etc. Et justement, ils annonçaient faire une grève générale, et puis ça a été annulé. Voilà. Pour finir, ça s'est fait. C'est une manif. Ouais, mais du coup, je pense que ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je te disais. Il y a les deux principes dont on parlait qui ont été en fait qui ont freiné la base à ce moment-là et qui ont fait, c'est pas les dirigeants de la FGTB qui ont en fait pas voulu faire cette grève, au contraire, eux poussaient en cette direction. La FGTB, oui, mais il y a plusieurs syndicats, hein. Oui, tout à fait, mais du coup, il y avait cette situation où les gens disaient, ok, mais en fait, si ça ne fait pas plier le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait après? Donc il y a la question de la progressivité qui est venue, oui, tout de suite, et il y a la question du nombre de personnes qu'on pouvait rassembler derrière une grève. Aujourd'hui, ça a un côté beaucoup plus radical qu'avant, la grève, où à un moment donné, il y a des époques où ça se pratiquait pour un oui, pour un non, et enfin voilà, c'était très bien ou c'était très mal, chacun a son avis là-dessus, mais en tout cas, ça n'avait pas la même symbolique où aujourd'hui, les grèves, il faut voir le traitement médiatique qui en est fait, si on n'est pas sûr de soi à 100% avant de la lancer, c'est une journée pendant laquelle on parle de perturbations, de trains qui ne roulent pas, et en fait on parle pas du tout des causes pour lesquelles on se mobilise et des gens qui vont devoir travailler jusqu'à 67 ans dans des métiers pénibles pour avoir une pension. Enfin voilà, c'est pas tout à fait mon domaine à moi. C'est moi non plus, hein. En plus celui des syndicats, donc je veux pas parler à leur place. Mais il y avait la FGTB, ils doivent se mettre d'accord avec la CSC, enfin tu vois, c'est toutes des, voilà, moi non plus c'est pas vraiment mon domaine, mais je me dis il faut travailler ça, tu vois, il faut le mettre en place, quoi, et ça se fait pas, c'est surtout ça que ça donne comme impression. Il y a des désaccords, il y a des bagarres entre les gens, voilà. Ouais, c'est certain qu'il y a un peu ce côté où chez les progressistes, on a une facilité folle à s'opposer entre nous, quoi. On a une facilité folle à se désunir et à partir en division, en faction, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est... c'est historique, ça a toujours été comme ça, quoi. Les étudiants, vous positionnez comment là-dedans? Par rapport à quoi? Vous êtes une sorte de syndicat des étudiants, non? Ou vous positionnez comment avec... C'est un rapport de force aussi, les autres... syndicats que j'ai cités là. On a la chance de pas être en concurrence avec eux comme eux peuvent l'être entre eux. Par exemple, si un travailleur s'affilie à la CSC, à la FGTB ou la CGSLB, moi ça me fait ni chaud ni froid. Ça n'influe pas sur. C'est pas un syndicat que je perds chez moi. Donc moi j'ai des rapports, je pense, plus faciles parfois avec eux, puisqu'on n'est pas des fois à se regarder en disant on doit être allié, mais en fait des fois on aimerait bien qu'on soit tout seul et pas qu'il y ait l'autre. Et donc c'est un peu toujours. C'est des dynamiques, mais je suis pas dans leurs discussions, dans leur bureau. Je veux éviter les procès d'intention et de parler à leur place. Oui, mais je veux dire, vous existez, le syndicat des étudiants. Des fois, vous faites des ponts avec les autres syndicats, vous vous donnez la main, vous avez des discussions. Ouais, clairement, c'est hyper important. En fait, aujourd'hui, le monde du travail et le monde de l'enseignement sont beaucoup plus liés qu'ils ne pouvaient l'être avant. Et le processus de Bologne, il y a eu toutes les logiques d'adéquation entre le monde du travail et le monde de l'entreprise que nous on refuse très fort à la FEF et qui font que du coup aujourd'hui, malgré tout, c'est des choses qui sont interreliées. Donc quand par exemple on veut résoudre le problème du chômage des jeunes en disant on va mieux mettre en adéquation les études et le travail, par exemple nous c'est des thèses qu'on refuse totalement en disant qu'en fait le problème n'est pas est-ce que les études correspondent bien au travail, c'est en fait quel est le travail disponible, quelles sont les conditions de travail. Moi je ne m'étonne pas du tout que les métiers pénibles soient des métiers en pénurie. Qui a envie de faire un métier qui va détruire ta santé si c'est pour avoir un salaire de misère en plus derrière? Ça n'a pas de sens. Et donc la question qui était posée aujourd'hui, entre autres par Christine, c'était on veut bien du travail, mais c'est pas à n'importe quelle condition. Et ça reliait ce qu'on disait avec les étudiants, on doit faire des études, et pour ça, il faut des conditions. Il faut qu'on ait les bonnes conditions pour le faire, il faut qu'on ait des bonnes conditions de travail. Et donc, c'est aussi une manière de lutter contre la pauvreté et les inégalités, c'est donner à chacun, que ce soit dans ses études ou dans son travail, de choses qui sont très structurantes dans ta vie. Quand t'es étudiant, tes études, c'est le truc auquel tu tournes. Quand t'es travailleur, c'est le truc qui remplit ta vie. Et que là-dedans, au moins, en fait, tu te sens bien, t'as des bonnes conditions, ça te permet d'avoir une certaine sécurité. Et pas d'être plongé dans la précarité, l'incertitude, etc. Toute la journée. C'est vraiment dans ce genre d'idée où là, on va avoir complètement les mêmes lignes et les mêmes choses à défendre que les syndicats de travailleurs. Tant mieux, c'est bon signe. Et une dernière, Maxime, toi qui as que 22 ans, excuse-moi, tu seras panne de l'œuf, là. Comment t'es éveillée à tout ce combat social et à cette manière de voir le monde, en fait? C'est une question large. Oui, mais en gros, comme ça, pour comprendre, moi, ça m'intéresse, je suis curieuse de ça. Mais oui, je comprends. Mais il y a plusieurs choses qui ont fait que je me suis intéressée. Moi, déjà, j'étais dans une famille où mes parents ont été engagés avant... ne sont plus... Bah moi, c'est-à-dire en vieillissant, il y a les enfants à gérer. Enfin, il y a d'autres préoccupations qui font leur place. Mais moi, mes parents m'ont raconté quand je les ai ramenés au parc Maximilien pour... il y avait une manifestation, il fallait aller empêcher la police de faire une rafle. Donc on avait été avec eux et mes parents stressaient énormément. Donc ils m'avaient raconté qu'en 1995, pendant les grandes grèves des enseignants, parce que mes deux parents sont profs, ma maman avait été chargée par la police, par un policier à cheval, alors que j'étais dans son ventre. Donc c'était mes premiers moments de mobilisation, c'était 1995, c'était les grèves des enseignants, j'étais même pas né et déjà je me faisais charger par la police parce qu'on voulait changer l'enseignement. Et du coup voilà, moi j'ai été éveillé à ces choses-là, à des valeurs par mes parents. Et puis à un moment donné, ces valeurs se sont transformées à l'école. En fait, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, j'avais des cours d'économie, etc. Je me posais des questions, je disais en fait, j'étudiais l'économie au moment de la crise de 2008. Donc j'étais en fait, il y a des choses qui tournent pas rond, les gens sont pauvres. J'avais de la chance d'avoir des profs très progressistes qui m'ont montré des films comme Carnet de voyage, où on voit la jeunesse, le tour d'Amérique du Sud d'Ernesto Guevara, ou ce genre de choses-là, ou d'aller montrer les spectacles de David Murgia, genre Discours à la Nation, etc. Enfin, des éléments qui ont été hyper structurants dans mon parcours, où je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui tourne pas rond, et je suis révolté, mais je sais pas encore pourquoi. Et donc j'ai dû chercher pourquoi, donc j'ai commencé à lire des livres, à aller sur Internet, à me renseigner, en fait, à trouver toute cette culture militante qui existait, toute cette critique du système, à un moment donné où j'avais besoin de comprendre ce qui n'allait pas. Et puis... je me suis construit ce que en fait je ne voulais plus voir, je me suis construit ce que je voulais voir, mais en fait j'avais toujours pas les moyens de le développer. Et puis à un moment donné j'ai rencontré des gens qui étaient engagés à la FEF, qui du coup j'ai vu là-dedans un outil qui permettait un peu de faire changer la société petit à petit, entre autres à travers l'enseignement. Et donc je me suis engagé et de fil en aiguille j'en suis arrivé où je suis aujourd'hui, et je continue d'apprendre, je continue de rencontrer des gens, de me former en fait à essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut changer le monde, et de continuer d'analyser toujours de manière plus profonde les logiques qui font qu'aujourd'hui en fait les inégalités progressent, et qu'une grosse partie de la population en fait n'a plus d'intérêt à vivre dans le système tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais à en changer, et donc de travailler sur comment est-ce qu'on va le faire changer justement. Super intéressant, hein, mais vite une dernière, après j'arrête. Mais quoi, la révolte, tu la vis pas dans ton ventre, la révolte? Parce que tu dis je suis révolté, machin, mais tu l'as pas vécu dans ton quotidien. C'est pour ça que je trouve génial, j'ai l'air de comprendre, tes parents sont profs, t'as plutôt été protégé quand même. Enfin, tu vois, c'est ça qui est génial, ça veut dire que ça peut se transmettre aussi, il n'y a pas besoin de vivre des galères pour être en révolte, quoi. Oui, clairement, mais voilà, moi c'est un peu, je suis pas la caricature, je sais pas si je dois l'expliquer comme ça, mais mes parents c'est un peu la caricature du cathode gauche, quoi. Et donc moi j'ai vécu dans une famille de cathode gauche, où donc on a des bonnes valeurs, on est un peu voilà comme ça. Et du coup clairement j'ai été privilégié dans le sens où moi mon capital culturel, enfin je savais lire et écrire avant de rentrer à l'école primaire, pas du tout le cas de la grosse partie de la population qui en fait vont même à rester dans l'illettrisme quasi une partie de leur vie. Pour je pense c'était je crois 7% des électeurs qu'on disait avant les communales qui étaient dans une situation d'illettrisme, donc j'étais extrêmement privilégié par rapport à ça. Maintenant ce qui est vrai, c'est que j'avais quand même des au deuxième degré, donc mes grands-parents avaient des origines sociales plus modestes, donc ma grand-mère était paysanne, mon grand-père était assistant social, j'avais ma grand-mère de l'autre côté était... C'est déjà pas mal, hein, si la génération... C'est ça, mes parents ont eu la chance de vivre à une époque où il y avait une certaine élargissement des études supérieures, et donc de pouvoir en faire, et d'après, tant mieux, ça se reproduit sur moi, enfin tant mieux pour moi, mais du coup moi j'ai envie que ça puisse, que ma situation, que j'aime bien en fait, hein, mais ne puisse ne plus être un privilège en fait, mais être un droit pour chacun. Et donc c'est là-dessus, c'est vers ça que je m'engage, mais évidemment que j'ai pas vécu les réalités les plus difficiles. Mais c'est génial parce que ça montre un exemple, je trouve que t'es un bel exemple, t'es habité par quelque chose, enfin voilà, c'est un bon exemple pour montrer que il faut pas spécialement avoir vécu des catastrophes pour être en révolte aujourd'hui, quoi. Tu vois, il y a carrément un système politique là, économique, qui est complètement injuste, quoi. Et donc si t'es bien au courant de ça, si tu t'informes de ça, eh ben il y a de quoi être révolté. Ce qu'il faut, je suis en train de manger une pomme, donc ça va s'entendre au micro. Ce qu'il faut aussi prendre, enfin pas oublier, c'est que même si j'avais une situation privilégiée par rapport à certains, J'ai pas vécu dans la très haute bourgeoisie, comme on pourrait l'appeler. Je suis pas le fils d'Albert Frère. Et donc, en fait, il y a des situations très violentes que même encore aujourd'hui, je vis au quotidien et dont je me rends compte. Enfin, moi, quand j'étais étudiant en haute école pendant un temps, et donc là, j'avais des petits groupes, j'avais des neufs dans ma classe, il y avait un rapport très humain avec les profs. Là, maintenant, je suis à l'université depuis 2 mois. Et en fait, je vis les cours à l'université comme quelque chose d'extrêmement violent, quoi. Quand je parlais dans l'intervention de les détenteurs d'une légitimité, que l'institution, l'enseignement supérieur, c'est eux qui détiennent la légitimité, et alors il faut se battre, il faut en chier pour l'avoir, c'est à un moment donné sur un bout de diplôme, savoir que voilà, moi aussi je suis légitime. Bah, c'est ça quoi, il y a un type sur une estrade qui fait ta taille, donc en fait le mec te dépasse déjà 2 mètres de haut, ses pieds sont autour de ta tête quand t'es assis dans l'auditoire, qui va t'expliquer ces choses de manière très directe, et toi en fait tu peux éventuellement intervenir pour poser une question, mais en fait tu sais déjà des choses, et ça c'est tout à fait caché de côté. Donc il y a juste la culture légitime que l'université possède, qu'on peut transmettre, et du coup le reste pas du tout. Et donc ça c'est des situations violentes qu'en fait je vis aussi au quotidien, et en fait voilà, malgré que mes parents soient pas dans les tranches les plus pauvres de la population, mais en fait ouais, moi aussi des fois il faut que je choisisse entre en fait est-ce que je vais bouffer des raviolis aujourd'hui, ou est-ce que en fait je vais aller boire un verre avec mes potes. Et donc de devoir des fois mettre un peu certaines choses de côté pour aller à survivre en fait de temps en temps, mais bon, sans bien sûr dramatiser ma situation qui est hyper enviable par rapport à certains, mais je pense qu'il y a des choses dans le système qui nous atteignent tous à certains moments, et que en fait justement se croire protégé, croire que ces privilèges sont immuables et qu'en fait ça va toujours durer comme ça, c'est faux aujourd'hui. Ça pouvait être vrai à un temps où les privilèges avaient une chance de se reproduire. Aujourd'hui, on est dans une situation de déclassement des populations, puisque comme les inégalités se creusent, en fait, y a des gens qui se retrouvent complètement aspirés par la précarité, alors qu'il y a peut-être 100 ans, leur famille n'en aurait pas été menacée. Et donc, faut pouvoir voir aussi que ce que les uns vivent, tu peux le vivre demain en fait. Et donc il faut, c'est pour ça qu'en fait il faut lutter pour des choses qui sont systémiques, structurelles, pour résoudre les choses à leur cause. Parce que résoudre les situations particulières des gens, en fait ça va être essoufflant. On va pas pouvoir y arriver de résoudre chaque situation particulière qui peut se passer. Alors que mettre des systèmes en place pour empêcher que les causes de la pauvreté se reproduisent, ça on peut le faire aujourd'hui. Donc c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Merci Maxime. Micro ouvert.